Allez, H-3 avant le week-end. Bon, tu vas faire quoi, Tof? Bah, je vais faire un tour sur le Facebook de l'émission pour y faire mes courses et puis je baise. Oui, bon bah écoute, chacun son truc. Hein. Et toi, Sandro? Bah, je vais aller faire un tour sur le site de Carrefour pour faire mes courses et puis je nettoie la maison. Bah, chacun son truc aussi. Hein. Bon, et toi, Mike, alors, tu fais quoi ce week-end? Bah, je vais faire un tour sur eBay là pour faire mes courses aussi et puis je vais me faire l'intégrale de Air Crash, là, les meilleurs crashs d'avion du 20e siècle à la télé. La classe. Ouais, bah chacun son truc. Hein. Bonjour, c'est Zizou. Alors moi aussi j'écoute Michael de 21h minuit parce que franchement c'est bien. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Parce que franchement, c'est bien. Hein. Et c'est Zizou qui le dit. Bah oui, évidemment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine alors que la majorité des gens sont déjà en week-end. Nous n'y sommes pas encore. Eh oui. Eh ouais. C'est malheureux. Eh ouais, mais il y a plein de gens derrière la radio qui ne sont pas encore. Ouais, je sais. Bah, c'est bien pour eux qu'on est là aussi d'ailleurs. Courage hein, si vous bossez encore comme nous alors que tout le monde est déjà en train de planifier son samedi. Bon, on vient d'entendre ce que Tof, Sandro et moi-même on allait faire ce week-end. Mais Roux et Jack, on sait pas encore. Ouais, en même temps, c'est les deux footeux de l'équipe, donc tous les week-ends se ressemblent. Ouais, bière et foot. Exactement. Ouais. Valence-Barcelone samedi soir, donc ça fait 1,5 litre d'Heineken. Oh là là. Et Toulouse-PSG dimanche soir, ça fait de nouveau 1,5 litre, sauf si Paris perd, puisqu'il y aura 1,5 litre après le match en plus. Évidemment, évidemment. Oublié. Total, 3 litres. Bon, ben, vive le bid à bière dans 10 ans. Hein. Bon, surtout que ce soir, on va aussi parler bière dans l'émission, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Avant ça, on va surtout parler bizutage. On vous en parlait hier dans le mag, une nouvelle affaire de bizutage qui tourne mal, qui fait scandale dans la presse. J'ai jamais compris ce délire de bizutage. Bah ça vous est jamais arrivé? Non, non. Je sais pas, je me lasserai jamais faire au point de me ridiculiser pour appartenir à une bande de neuneux. D'accord. Bon, bah, on en parlera tout à l'heure. Hein. Si vous avez déjà une opinion, appelez Micha au 0870 70 42 48 ou alors dites-nous par SMS au 612. Débutez le message par M-I-K-L et puis vous laissez votre numéro de téléphone. Et toi, t'avais perdu une meuf d'ailleurs à cause d'un bizutage. Hein. Oui, c'est vrai, c'était d'ailleurs l'amour de sa vie, c'est à cause d'elle que, et à cause de ce bizutage que c'est un trou du cul aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, elle s'est barrée avec le mec qui l'avait bizuté. D'ailleurs, il n'a pas fait que la bizuter. Non, il l'a bien baisé aussi, ouais, et enfin, puis il l'a jeté comme une merde. Voilà, c'est ça, et c'est triste. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est triste. Bon, c'est fréquent, cela dit, en Belgique aussi, les bizutages. Ouais, c'est très fréquent. Mais chez nous, c'est pratiquement obligatoire quand tu commences tes études à l'université, tu sais, si tu veux pas te retrouver en galère pendant tes 4 années qui suivent. Donc une fois que t'es bizuté, bah tu fais partie du clan. Hein. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais voulu aller à l'université. Ouais, mais ça donne carrément une grosse teuf en pleine rue avec des dizaines de chars qui déversent de la bière, quoi. Et puis c'est bientôt, en plus c'est le 20 novembre, je crois. Ça s'appelle la Saint-Véragen. Ouais, Saint-Vé, c'est la Saint-Vé. Voilà, c'est n'importe quoi. Oh, ça va. Ouais, c'est autre pays, quoi. Ouais, mais c'est ce qui en fait sa beauté aussi. D'ailleurs, on va en reparler ce soir de la Belgique, puisque comme on vous le dit depuis toute cette semaine, je vais y arriver. Canal Plus organise. Et merci à Canal. Organise une semaine spéciale cinéma belge et c'est là qu'on voit qu'ils prennent soin de leurs abonnés. Du coup, bah, nous aussi on a décidé d'adapter certains programmes et de les belgiser. Alors écoutez par exemple ce qu'on avait fait de Prison Break. Énergie et Canal Plus présente Prison Belge. Alors, combien tu as pris toi? 10 piges. Ah oh, oui, quand même. Et toi, tu as pris combien? Ben 8 ans. Oufti. Ben oui, je sais. Mais plus ça va et plus ils me les font jeunes. Alors, tu sais par où ce qu'il faut passer pour s'évader, dit? Bien sûr, j'ai les plans de la prison tatoués sur le corps. Oh, c'est super. Oui, le problème, c'est qu'il faut d'abord sortir d'ici pour retrouver le corps où ce que j'ai tatoué les plans, hein. Ce que j'ai. Ça y est, Michael, j'ai enfin trouvé comment on allait sortir d'ici, hein. Bah, comment? T'as de la dynamite? On t'a envoyé une lime dans ta fricadelle? Non, mieux que ça. Ce con de directeur a organisé une journée porte ouverte demain. Oula! Je sais pas si c'est toi ou le directeur qui est le plus con, hein. Prison Belge, bientôt sur vos écrans. Ah, voilà. Hâte de voir ça. C'est quoi la chaîne qui va diffuser TF70 ou W90? C'est malin ça, ça c'est petit hein. Bon heureusement qu'on est, heureusement qu'on est là, sinon vous rigoleriez pas autant hein. Et ouais. Vous rigoleriez de qui? Surtout, bah, en même temps, là, t'as tendu le bâton pour te faire battre. Ouais bon c'est bon. Alors on parlera des séries télé adaptées à la Belgique tout à l'heure. Tu m'as saoulé là, c'est vraiment insupportable. Le problème c'est qu'on ne peut pas faire une vanne sans qu'on en fasse 3 jours. Bah ça je suis d'accord. T'es gonflé de dire ça, ouais, quand même, c'est ça. Et puis franchement vous avez aussi des gens zarbis en France hein, je regrette. Oui, c'est vrai. Alors, tu veux qu'on parle de l'appel aux pompiers qu'on a écouté hier? Ça c'était bon. Qui n'étaient pas là, donc le mec appelle les pompiers pour demander s'il n'y a pas une femme qui veut bien le chauffer au téléphone. Ouais mais le plus drôle c'est comment le pompier le jette en l'air. Ça c'est fort. Non j'ai dit c'est comme ta mère. C'est comme ma mère. Ma mère, tu la connais pas, tu peux pas la connaître ma mère. Si je ouais par contre ce que tu peux faire c'est tu sais préparer des sandwichs. Hein? Est-ce que tu sais préparer des sandwichs? Ouais. Parce que ta mère, ça fait une semaine qu'elle est là, qu'on lui bourre le cul, commence à avoir faim. Quelle violence. Bon bah du coup hier on s'est inspiré de ce mec qui appelle les pompiers pour du cul. Et avec Toff on a appelé les 118, les renseignements téléphoniques, pour essayer de choper du cul par téléphone en fait. Ouais. Hein, voilà. Bon malheureusement ça n'a pas été très concluant puisque je me suis fait jeter en l'air aussi. Ouais, hein. Bah, c'est ça. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui bonjour, nous avons été coupés. Oui, veuillez nous en excuser, que recherchez-vous? Je cherche quelqu'un pour passer la soirée. Non, alors ça doit être une erreur monsieur, si vous êtes au renseignement, quel service recherchez-vous? Mais je ne cherche aucun service, je cherche juste à parler avec vous. Et je me demandais peut-être si on pouvait pas se rencontrer. Alors, je peux vous proposer SOS un métier, si vous le souhaitez. Non, mais c'est intéressé, vous savez, c'est... Voilà, je me sens un peu seul ce soir, et donc je me disais qu'on pourrait peut-être discuter. Alors, désolé, monsieur, je ne peux pas... Vous pouvez me dire comment vous vous appelez, quand même. Hein? Page jeune. Pardon? Téléconseilleur page jeune. Non, mais c'est un prénom. Oui, téléconseilleur page jeune, c'est le nom du service. Oui, mais désolé, évidemment disposé à tout faire pour vous apporter une solution, mais je ne suis pas en mesure de travailler convenablement si je ne peux pas comprendre la demande. Donc, à bientôt sur le 118 et 008. Attendez, on vient juste de faire connaissance. Au revoir. Attendez, la demande, c'est votre prénom? Par contre, t'as pas noté numéro pour SOS Amitié. Non, ouais, c'est dommage. Bon, ça, et puis. C'était bon. Ouais, le SOS Détresse Amitié, c'était pas mal. Bon, et c'est pas tout, puisque ce soir, on remet le couvert. On va donc appeler d'autres 118 histoire que Toff puisse soulager ses pulsions érotiques. Ouais, je veux me caresser au téléphone. Oh. Toff, c'est dégueulasse. Quelle laideur, en plus, on s'imagine ça, quoi. Ouais, mais c'est ça le pire. Hein. Bon, loupez pas les appels de Toff tout à l'heure au 118. Hein, ce sera donc avant la fin de l'émission, évidemment. Et avant ça, on va faire un tour du côté du répondeur et de vos messages. Peut-être du cul aussi, hein, on sait pas, on verra bien ce que vous les avez laissés. Au 01 40 71 3400, le message le plus original repart avec un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Oui, bonjour, ici Émile Jourson. Je voudrais vous dire que j'ai fait soigner ma voix de pervers et que je me repens de tous mes péchés sexuels. Je me repens, je conseille à Toff, M. Berlusconi, Roberto et monsieur, il fait bien votre encore de faire la même chose. Fin du message. Message suivant. Bonjour, je suis le gérant de l'industrie KitKat. Je suis heureux de vous annoncer que Sandro a gagné un camion du nouveau modèle de KitKat, le KitKat 100. Fin du message. Message suivant. Assis à côté de ma boîte aux lettres, dans mon courrier. Pour enfin recevoir le cadeau que j'ai gagné. Mais il n'y a toujours rien qui arrive. On a dû m'oublier dans les archives. Tous les soirs j'essaie d'appeler Micha, mais toujours rien, le standard répond pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je n'ai pas mon cadeau, mais ça s'est trompé comme un gros blaireau. Je n'ai pas mon cadeau. Écoute, mon cadeau. Ah, des nouveaux messages. J'aime beaucoup le dernier. Ouais, le dernier, ouais. Ah, ouais. Le dernier, il est énorme. Vraiment, j'aime beaucoup le dernier. Allez, le dernier. C'est dommage parce qu'il aura toujours pas son cadeau. Mais... Oui, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Rappelle-le. Oui, Micha va se venger. Ouais, c'est ça, il va se venger, tu parles. Bon, et puis d'autres cadeaux à gagner ce soir hein, dans le jeu des amis, le chéri, je t'ai fait cocu, ou bien au fucking Blue Boy chez Jean-Claude. On ira faire un tour du côté de chez lui, la boîte préférée du roux d'ailleurs, avec notre ami Jean-Claude, comme tous les vendredis. Et au niveau cadeau, eh bien, il y a du relativement lourd. concours, hein, puisque ce soir, il y a les albums de Lily Allen qu'on file, It's Not Me, It's You. On filera également, attention, par deux fois, ça veut dire que vous aurez l'occasion de gagner avant 22h et l'occasion de gagner avant minuit. Avant 22h30 et avant minuit, deux places pour aller au concert privé de Tokyo Hotel avec 30 minutes de concert en 3D hologramme et ensuite les Tokyo Hotel qui monteront sur scène. Voilà, donc les invités à gagner, ce se passera le mercredi 28 octobre à 21h, concert privé avec énergie. On aura également les écrans plats LCD 32 pouces à vous filer, des appareils photo numériques. On met tout ça en jeu bien sûr dans le chéri je t'ai fait cocu ou dans le GAV. Si vous voulez jouer à l'un ou l'autre, 612, débutez le message par Mickaël. Et puis vous mettez JAV ou Cocu avec votre numéro de téléphone. On a aussi des places pour aller mater Fame, DBO aussi du film Fame et puis des compiles énergie 200% hit. Voilà, et puis au niveau musique, également du lourd avec Lily Allen, semaine spéciale sur énergie, puisqu'on va le mettre par deux fois aussi avec Fuck You et 22, le petit nouveau. On aura aussi Pitbull et puis nous aurons également le nouveau single des Fall Out Boy. Voilà. Je remercie d'ailleurs Céline qui m'a rencardé, une auditrice, sur le nouveau single des Fall Out Boy. Et puis on aura aussi un autre son qui est bien foutu aussi d'ailleurs. C'est une autre Céline cette fois-ci qui gère un groupe apparemment, Dion. En tout cas est pote avec... non, pas du tout. Qui bosse avec un groupe qui fait de la bonne musique, ses auditeurs apparemment. Et ils font du truc plutôt pas mal. On mettra ça tout à l'heure avant la fin de l'émission. Et puis juste après la pub, on s'envoie de Black Eyed Peas, I Got a Feeling sur NRJ. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. C'était les Black Eyed Peas à l'instant sur Énergie avec I Got a Feeling. Et puis on est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Le chéri, je t'ai fait cocu que nous ferons tout à l'heure ou le JAV, à vous de voir. Il y a en tout cas, quoi qu'il arrive, un écran plat LCD 32 pouces qu'on peut mettre en jeu ou des appareils photo numériques. C'est vous qui gérerez. On mettra aussi tout à l'heure le nouveau son des Fall Out Boy et puis les places pour le concert privé de Tokyo Hotel qui aura lieu le 28 octobre avec énergie. Si vous voulez choper les places maintenant, on fait gagner avant 22h30 le premier gagnant. Enfin, le premier gagnant, le premier ou la première gagnante. Et on remettra le couvert avant minuit. Voilà, donc 612, débutez le message par Mickaël. Vous mettez TH et votre numéro de téléphone. On fera un petit tirage au sort et puis on vous rappellera tout à l'heure avant 10h30. Et Tokyo Hotel, voilà. Je crois qu'il a niqué. Non, qui s'est fait niquer par Johnny au niveau des ventes d'albums. Oui, ouais. Effectivement. Bon, enfin, en même temps, c'est normal. Ouais, c'est Johnny, c'est des vieux. Ouais, mais attends, Tokyo Hotel quand même. Ouais, Tokyo Hotel, ouais. Ils sont plus téléchargés, c'est pour ça. Ouais, ouais, ça aussi. Il faut penser à ça. Et ils seront chez Laurent Ruquier samedi soir. Je pense qu'on peut rire face à Zemmour et Nolo. Je pense aussi, ouais. Juste avant la pause, il y a un sujet assez chaud là en ce moment, c'est le bizutage dans un lycée de Poitiers qui a mal tourné, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, mais est-ce que vous connaissez le nom du lycée? Non. C'est le lycée du Bois d'Amour. Ah, bah, il y a bien que le nom du lycée qui parle d'amour. Hein. Mais c'est assez bizarre comme délire, parce qu'apparemment les mecs ont bizuté de la même façon qu'on les avait bizuté l'année d'avant. Ouais, mais c'est un peu le même principe partout, hein, tu fais la même chose que les anciens, mais t'essayes d'innover. Ouais. Là, tu fais mieux, tu fais pire. Ouais, voilà ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les innovations, elles dérapent. Voilà. Et bon, juste pour rappeler un petit peu les faits, donc pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, il y a quatre internes du fameux lycée Bois d'Amour qui sont obligés de chanter la Marseillaise. C'est horrible. Alors jusque-là, tout va bien, ils chantent la Marseillaise, l'euro pourrait le faire. Oui. Il n'y a pas de problème. Sauf que pendant qu'ils chantaient l'hymne national français, quatre autres gars du lycée leur compressaient les couilles. Bon. Oh. Non, mais voilà, jusque-là. Bah, c'est même pas drôle en non, plus. Non, mais bon, ça fait mal, il devait continuer à chanter en même temps, donc c'est là que ça peut la limiter de drôle. Bah ouais, ça dépend comment tu compresses. Ouais. Sauf qu'il y en avait un autre qui leur enfonçait un doigt dans le fion. Oh non. Ah, carrément, ouais. Ça dépend comment t'enfonces. Ouais, non. Ouais, j'avoue que c'est un peu chaud, mais plus tu vas dans les grandes écoles, plus en fait les nouveaux sont prêts à faire des trucs de ouf juste pour appartenir à un groupe, pouvoir s'intégrer, quoi. Ouais. Et tu sais, c'est un peu comme ça dans le film. Je sais pas si vous avez vu Skulls. Non, j'ai pas vu, non. En fait, aux États-Unis, il y a une espèce de confrérie qui s'appelle Skulls and Bones. Mm-hmm. Et en fait, la légende veut que si tu arrives à rentrer dans cette confrérie, donc des crânes et des os, tu vas devenir un mec important qui aura la vie plus facile, qui aura les plus bonnes meufs plus facilement, qui aura de l'argent, du pouvoir, du sexe, enfin machin. C'est un investissement, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tous les étudiants américains, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour rentrer dans cette confrérie. Et donc dans le film en fait c'est relativement soft parce qu'ils ont pas été super loin dans le délire pour entrer dans Skulls and Bones, mais en France t'as des trucs pareils vraiment super hardcore qui se passent dans les bizutages. Genre quoi? Bah, dans les trucs soft d'abord, t'as la bouffe pour animaux. Ouais, ça va encore. On l'a fait, nous. Voilà, t'as le shampoing, œuf, farine, bière, sauce tomate. Ouais, ça va, ouais. Donc il y a la mixture aussi. Alors la mixture, c'est en fait plein d'aliments mixés entre eux avec beaucoup de piment, de harissa et de tabasco. Ouais. Donc là, ça va, ça passe encore, je peux le faire. Ouais, c'est ça, jusque-là, ça va, ouais. Et après, ça passe, t'as des trucs vraiment super hard. Un truc qu'ils adorent en médecine, par exemple, c'est faire plonger les mecs qui vont bizuter dans une grande baignoire remplie de sang. Ça, on le fait en Belgique aussi. C'est dégueulasse. Par contre, si le son est malade, entre guillemets, t'as l'air bien. Je pense pas. T'en sais rien, tu vois. Des tripes de cochon. Ouais, voilà, généralement, c'est du sang d'animal qu'ils vont récupérer dans les abattoirs et tout. Oh, c'est débile, ça, vraiment. Le bizutage est débile. Ouais, ça, à la base, ouais. Sinon, dans les trucs encore pires, il y a le jeu de la morgue. Donc, en fait, là, c'est tu dois faire des trucs avec un cadavre. Heureusement, c'est pas toujours sexuel. Ah, ça peut l'être. Encore heureux. Et après, vraiment, il y a les trucs pires. Ah, il y a pire que ça encore ? Ouais, c'est tous les trucs sexuels. Donc, soit avec les cadavres genre à la morgue. Et sinon, il y a un truc aussi à base de cul qui me fait beaucoup rire, ça s'appelle le petit train. Le petit train. Tu vois la queue leu-leu ? Ouais, les uns derrière les autres. Ouais, voilà, c'est pareil, sauf que tout le monde est à poil, se tient par la teub, et il faut sonner toutes les gares, si tu vois ce que je veux dire. Toutes les gares. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tu tiens par la teub et tu sonnes toutes les gares. Tchou tchou. Ah, mais c'est vraiment dégradant ton truc. Hein. Ouais, juste... là, t'as pris les extrêmes. Oui, c'est des extrêmes, mais quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on en avait parlé, on nous avait passé les extraits du DVD de l'OM. Ah, de l'Olympique de Marseille. Ouais, là aussi, il y avait du bizutage dans l'air. Mais bon, c'est beaucoup plus soft que les trucs de Toff, mais ça reste aussi bien marrant. Ça reste accessible. Il y avait Will Tort. Je crois qu'on a encore les sons, là. Partir effacer sur le Gange, la douleur. Bon, ça va, il doit chanter. Pouvoir parler à un ange en douceur. Ouais, fiche, quoi. Lui montrer la blessure étrange, la douleur. Là, en gros, ils sont à la collation. D'un enfant qui pourrait trouver. Et le bizutage, c'est de se lever et chanter. La douleur. C'est les footballeurs, pas les chanteurs. Voilà. Mais pas que les footballeurs, il y a les entraîneurs aussi. C'est gentil. Il y a les Guirettes l'année dernière. Exact. Un bête flamand. Je suis pas flamand, hein. Cassez l'ambiance, quoi. On peut faire des trucs marrants sans devoir être gore au final, hein, mais bon. Bon, venez nous donner votre avis donc sur les bizutages au 0870 42 48 ou par SMS. Débutez votre message par MIKL tout simplement. Et puis dites-nous si vous pensez que les bizutages sont un passage obligé pour s'intégrer ou au contraire si c'est juste un moyen pour quelques frustrés de se mettre en avant en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment, je trouve ça vraiment pourri quoi. Bah, autour de table donc pourri, oui, ça lui a niqué sa meuf. Je trouve que ça pourrait être bien si c'était moins dans les extrêmes comme ils sont obligés, enfin comme ils le font maintenant. Oui, voilà. D'accord. Sandro. Ouais, c'est con, je trouve. D'accord, Jack. Ça pourrait être drôle. Il y a des fois c'est drôle, mais faut pas que ça aille trop loin, quoi. Oui, voilà. Il y avait un truc aussi que ma sœur m'avait raconté. En fait, on peignait le mec en bleu, la meuf en jaune. On les mettait dans un placard et ils devaient tous les deux ressortir vert. C'est marrant, ouais, ça. Voilà, bon, ça ils va. Doivent se frotter en fait. Ouais, ouais, voilà. T'es à poil quoi, et c'est moins marrant quand t'as une meuf ou un mec. Oui, mais enfin, encore, tu vois, c'est. Oui, ok, quand t'es célibataire, c'est bien. Quand t'as un mec, bon après, il faut le négocier. Mais c'est pas mortel, c'est pas dégradant. Non, mais tu vois. Est-ce que c'est obligatoire, hein? C'est-à-dire que vraiment, si tu le fais pas, tu seras un pou pendant toute l'année. Tu veux être baptisé en fait à l'université belge. C'est-à-dire que tu vois là, tu fais partie de la grande confrérie en fait, si tu veux, ça n'a rien d'occulte quoi. Mais voilà, on t'aide pour tes études aussi, entre élèves. Et tu fais plein de soirées, t'es toujours au taquet, sauf que la majorité des gens qui font ça ratent. Ouais. En fait, le truc pour te faire participer, c'est qu'ils te disent ouais, mais vous inquiétez pas, si vous venez, vous allez faire partie de notre cercle et donc on vous donnera les questions de l'année précédente, on vous aidera. Sauf qu'ils passent leur temps à boire, à picoler, voilà. etc. Final, ils sont morts torchés tout le temps. Et au final, eux, ils étaient pas là l'année d'avant non plus, donc ils ont pas les cours. Donc au final, ils ont rien à leur donner, quoi. Voilà, donc il y a rien à donner. Ça sert à rien au final. Bah, pour la peine, effectivement. Enfin, c'est pas si grave que ça de pas le faire. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Toff, on va essayer d'appeler un autre 118 là. J'avoue qu'ils étaient pas super ouverts hier, donc je sais pas si c'est vraiment. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai écouté la radio tout à l'heure et il y avait un truc 118 machin. 1,46€ l'appel et 22 centimes après. Ah oui, 118. Non, mais attends, mais c'est cher. Ah oui. Alors que t'as l'info gratos sur le net. Ouais. C'est violent, renseignements, ça douille. Mais c'est les pages jaunes, c'est les pages jaunes parce qu'en fait maintenant par SMS tu peux les avoir gratos aussi. Ah d'accord. Parce que surtout si en plus tu es écoutez, malheureusement je n'ai pas le numéro que vous souhaitez. Au revoir. Ouais. Merci d'avoir appelé le 118. Tu crois que tu veux demander le remboursement? Je crois pas. Non. J'en sais rien, je t'avoue, je sais pas. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc j'ai trouvé sur le net la vidéo d'un mec qui appelle donc les pompiers pour demander à une femme pour se faire une meuf et donc qui se fait démonter comme une merde. Allô, ouais, je pourrais parler à une femme, s'il vous plaît. À qui? Il y a des numéros 800 là. j'ai pas de crédit. Y a pas de crédit, ça sert à rien d'avoir un portable s'il n'y a pas de crédit. les femmes, là, faut prendre les bouquins, il y a plein de femmes qui sont toutes seules, vous pouvez leur parler, là. Ah ouais, ouais. Elles font l'amour au téléphone et tout, ok. Calme ta mère. Calme ta mère. Il souffre en plus, là. Non, c'est du français, ça. Non, j'ai dit c'est comme ta mère. C'est comme ma mère. Ouais. Ma mère, tu la connais pas, tu peux pas la connaître, ma mère. Si, je l'ai. Ouais, par contre, ce que tu peux faire, c'est. Tu sais préparer des sandwichs. Hein? Est-ce que tu sais préparer des sandwichs? Ouais. Parce que ta mère, ça fait une semaine qu'elle est là, qu'on lui bourre le cul, commence à avoir faim. Salut. Mais c'est énorme, ça fait quoi, 5 fois là qu'on l'écoute? C'est toujours drôle. Et ça me fait toujours rire, c'est bizarre aussi. Bon, et du coup, on a eu l'idée d'appeler les 118 pour voir si on pouvait draguer les standardistes. Mais ça s'est pas super bien passé pour Toff, hein, au 118-008. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, nous avons été coupés. Oui, veuillez nous en excuser, que recherchez-vous? Je cherche quelqu'un pour passer la soirée. Non, alors ça doit être une erreur, monsieur. Si vous êtes au renseignement, quel service recherchez-vous? Mais je ne cherche aucun service, je cherche juste à parler avec vous. Ouais. Et je me demandais peut-être si on pourrait alors, pas se rencontrer. Alors, je peux vous proposer un métier, si vous voulez. voilà. Ouais, mais j'ai fait mieux après, Ouais, quoi, c'est ça que t'appelles mieux, là? Bienvenue au 118-712 France Télécom Orange. C'était hier bonsoir, aussi. Je vous écoute, oui. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je vous écoute. Oui, non, mais en fait, je vous appelais parce que, bon, comme j'ai vu que ça n'allait pas fort chez Orange, je me suis dit que vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'amour et de tendresse. Et comme, bon, je m'ennuyais ce soir, je me proposais de vous apporter cet amour. Alors, là, je suis là pour des téléphones ou des adresses. Hein. C'est gentil de nous appeler pour témoigner de votre intérêt. Bon, si vous voulez une adresse, un téléphone, je peux vous répondre, hein, parce que là, il y a beaucoup d'appels, hein, monsieur. Ah, je comprends. Et peut-être que je pourrais avoir votre numéro et votre adresse? Non. Pourquoi? Non. Je pourrais vous rappeler à un moment où vous avez plus de temps pour discuter. Non, je ne le souhaite pas. Hein. Non. C'est dommage. Voilà. Parce que maintenant qu'on commence à se connaître un petit peu, c'est quoi votre prénom? Là, je ne peux pas rester, hein, monsieur. Hein. Soit vous voulez un téléphone de quelqu'un, d'un abonné ou une adresse, mais je ne peux pas. Non. Là, je suis très occupée. Hein. Mais voilà. Justement, c'est pour ça que je voudrais pas. Alors, si vous voulez des indications, hein. Je recherche à l'ordinateur. Sinon, à titre personnel. Il n'en est pas question. D'accord. Mais peut-être que si vous me donniez votre nom et votre prénom, après vous... Non, monsieur. Je vous dis que non. Enfin, c'est dommage, maintenant. Oui, mais peut-être que c'est dommage, mais c'est comme ça, monsieur. Je vous appelle, je suis désolée, je vais être obligée de raccrocher. En plus, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, je sentais le feeling entre nous. Ouais, mais pas elle. Alors, tu crois que je vais faire mieux aujourd'hui ou pas? Mais ouais, t'inquiète, hier j'étais pas très très chaud, mais là je suis super en chien pour préparer le week-end, donc ça va être bon là. Ouais. Bon, tu vas appeler quel 118? Bah, je sais pas, je propose le 118-00 là, on l'a pas encore fait. Non, 000. Ah oui, il manque à 0 parce que sinon on n'arrive pas. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. 118-00, bonsoir, quelle est votre demande? Oui, bonsoir. Voilà, je voulais savoir, vous faites quoi ce soir? Monsieur, vous êtes en renseignement téléphonique. Oui, j'avais bien compris. C'est quoi votre prénom? Est-ce que vous avez une demande sérieuse, monsieur? Oui, votre prénom. D'accord, merci de rester en ligne, s'il vous plaît. Merci. Tu vas te galérer 1000 ans là. Ouais. Si on se tape ça à chaque fois, c'est dingue ça. Bonjour, mais ça va pas santé, j'en prends la communication. Oui, bonjour, ben voilà, non, j'étais en communication avec madame, mais nous avons été. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la communication a été interrompue. Là, vous êtes en renseignement téléphonique, monsieur, c'est ce que vous avez demandé? Oui, mais je voudrais reparler à votre collègue, hein, je n'ai pas envie de parler avec vous. Attendez, à mon collègue? Non, votre collègue, la dame que j'ai eue tout à l'heure, qui était très charmante. En fait, c'était un monsieur, c'est pas une dame. Ah, c'était un monsieur. Oups. Ah, ben autant pour moi, écoutez, hein, je ne m'étais pas aperçu. C'est dommage. Ah, bien écoutez, dommage, oui. Oui, bah écoutez, peut-être que vous pourriez me passer quelqu'un de plus féminin alors. De plus féminin, non, là il faudra refaire le numéro. Ah, il faudra refaire le numéro si exact. Je. Ah bon, bah écoutez, je rappelle, alors à tout de suite. Très bien, bonne soirée. Bon, on rappelle? Ah oui, il faut qu'on rappelle. Ah, donc c'était un cum alors le premier? Je me suis pas bien rendu compte alors. Ou alors il a senti que c'était un connard et il a dit non, c'était un monsieur, vous savez. Ouais, soit ça ou alors tu l'as vexé. Hein. Ouais, c'est possible. C'est un gros pipeau. Ouais. Allez, on le rappelle. Par contre, il décroche vite. Hein. On y va, on y retourne. 118-00, bonjour, quelle est votre demande? Oui, bonjour. Ouais, en fait, je voulais savoir ce que vous faisiez ce soir, après le travail. Je termine jusqu'à minuit. Ah, vous travaillez jusqu'à minuit? Bah justement, oui. Vous n'allez pas rentrer toute seule à minuit, je peux peut-être venir vous chercher. Merci, c'est gentil. C'est quoi votre prénom? Vous avez une demande sérieuse, s'il vous plaît, parce qu'on a des appels en attente. Hein. Bien sûr, c'est une demande très sérieuse. Je voulais savoir quel était votre prénom. C'est Sarah. Ah, Sarah. Et vous avez quel âge, Sarah ? J'ai 23 ans. Ah, et donc bon, en dehors de ça, de faire le standard téléphonique, vous faites quoi ? Non, franchement, est-ce que vous avez une demande sérieuse si Mais je suis très sérieux, vous savez. Moi, j'avais juste envie de faire connaissance avec vous. D'accord. Donc, récent, mais je vous prie, je fais appel à un responsable. D'accord, très bien. Tout de suite. On va travailler sur un mec. Il y a des chances, mais... Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté. Permettez-moi de reprendre la communication. Oui, par contre, je suis un petit... Je suis responsable de la personne avec qui vous étiez à l'entretien. Ah, très bien. Bah, écoutez, non, parce que je suis très déçu que nous ayons été interrompus, parce que je la trouvais fort sympathique et donc j'aurais aimé qu'on puisse continuer à discuter un petit peu. Oui, sauf que nous sommes dans un cadre professionnel, monsieur. Nous sommes les renseignements téléphoniques. Oui. Si vous avez besoin d'un renseignement, nous sommes à votre service. Justement, voilà, je voulais savoir comment je pouvais rencontrer Sabrina que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Excusez-moi. Je voudrais savoir comment je peux la rencontrer. C'est un Est-ce renseignement. Vous avez besoin d'un renseignement téléphonique plutôt, monsieur. Oui, son numéro de portable. Le numéro de portable de qui exactement? De Sabrina qui a décroché il y a 5 minutes. Monsieur, je pense que vous n'avez pas de demande à formuler. Monsieur, je ne vous permets pas. Je vous ai formulé une demande très très claire. Je veux le numéro de portable de Sabrina qui a décroché. Ça se fait pas quand même, putain, pour 1,46€. Surtout que le mec, ça fait 3 fois qu'on dit c'est Sarah et répète Sabrina. C'est clair. Non, c'est Sabrina. Sarah. Bon, on en rappellera d'autres dans quelques instants des 118. Sinon, je voulais juste faire un petit message. Vous savez que Dorothée qui bossait avec nous avant, la boule de poil. Oui. Qui travaille maintenant avec Cash, qui est donc dans un taxi actuellement avec le conducteur, le pilote, qui nous écoute à fond de balle. Donc, faites-la cracher, faites tous les détours du monde. Allez-y, donc si vous êtes de là dans votre taxi tout près de la radio dans le 16e et qu'il y avait une fille derrière remplie de poils, c'est elle. Elle prend un taxi, elle habite à deux rues d'ici. Oui, elle habite à deux rues d'ici. On est vendredi soir, elle sort peut-être. Peut-être. Ouais. Donc faites-la cracher, hein. Détour. Je crois qu'elle a envie de pécho, conducteur de taxi. Ah, c'est vrai qu'elle vient de m'envoyer un texto avec ce sujet d'ailleurs, effectivement. Comment foutre les gens dans la merde et dans J'ai envie de pécho le conducteur. Je rappelle cette grande phrase qu'elle m'a sortie tout à l'heure dans l'ascenseur. Je serais prêt à me faire une chèvre tellement je suis en chien. C'est bon ça pour le conducteur taxi. Ouais, il a pris. Tu passes un peu pour une cochonne là. Il a pris le bon cheval, ça fait bien longtemps. Bon allez, on revient dans un petit instant avec le jeu des amis. On rappellera un petit 118 et puis on parlera des bisutages tout à l'heure. Bonjour, c'est Maître Ping. Et moi c'est Pong. Nous aussi dans l'atelier, écoutez Michael de 21h minuit. C'est très très bon choix émission. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est très très bon choix émission. Et c'est Ping et Pong qui le disent. Exactement, ouais. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de Sandro, donc c'est bon, elle est ok pour le chauffeur. De Dorothée, tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sandro. Ah pardon, tant pour moi, oui, effectivement. Donc de Dorothée qui fait le standard l'après-midi, donc elle est ok. Donc ça y est, les toiles d'araignée vont être enlevées. Il était temps. Ouais, il était temps. Et bon appétit. Merci. Très bien. Bon, on va faire dans un petit instant le jeu des amis avec Robin qui est là. Comment ça va, Robin ? Robin ? Ça va, tranquille, ouais. Bon, passez une bonne semaine. Ouais, un peu, quoi. Ça y est, c'est le week-end. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah bah, ça dépend, nous, pas encore. Hein. On a encore trois heures, là, à peu près. 2h30, un truc comme ça, ouais. Ah oui, mais vous nous aidez pendant le week-end. Comme ça, on vous écoute, ça nous fait du bien. Ah bah, c'est gentil. Mais après, nous, qui c'est qui nous écoute le vendredi soir? Ouais, c'est une bonne question, ça. Non, mais en même temps, je préfère terminer tard le vendredi et de ne pas commencer tôt le lundi. Ah ouais, je comprends. Ah si, franchement, ouais, je préfère. Ouais, quand il arrive le lundi matin, t'es dans un esprit de taf. Ah non. Donc tant qu'à faire, ouais. Bon, Robin, on appelle d'abord vite encore un petit coup les 118, si tu permets, d'accord ? Ok, pas de problème. Bon, Tof, t'es prêt ? Je suis prêt là, j'ai pris des forces et tout, c'est bon. On rappelle le même 118 ou on prend un autre ? J'ai pris des forces. N'importe quoi. Ouais, vas-y. On a mangé un bout de pain. Oui, c'est ça. C'est pas ton pull qui va t'aider à prendre des forces, en tout cas. Allez, on y va, on rappelle. Oui, bah, nous pas. C'est pas grave. 118 000. Bonjour, quelle est votre demande ? Oui, bonjour. Voilà. En fait, moi, je voudrais savoir comment on fait pour récupérer votre numéro. Le mien ? Oui, personnellement. Je n'ai pas un numéro de téléphone. Oh, non, pas à moi. Vous pouvez pas me dire ça. Je sais que vous avez un petit numéro où on peut vous appeler en dehors du travail. Non, sincèrement, je n'ai pas un numéro de téléphone personnel. Ah bon ? Mais oui. Comment on fait alors pour vous appeler ? On m'appelle jamais. Oh, c'est triste, ça. C'est triste, oui. Mais comment ça se fait que personne ne vous appelle ? Excusez-moi, mais est-ce que vous avez une demande sérieuse ? Ah ben, elle était très sérieuse, ma demande. C'est moi, je vous mets en attente musicale le temps de vous passer mon responsable. Hein. Merci. C'est pas en France, ça. Possible, ça. Qu'est-ce qu'ils ont, là, avec ça? Merci d'avoir patienté. Permettez-moi de reprendre la communication. C'est responsable de la personne avec qui vous étiez en ligne. Oui, vous pouvez reformuler votre demande, s'il vous plaît? Bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de parler avec vous. C'est ça qui est bien. Non, en fait, non, mais je comprends pas pourquoi vous faites de la rétention comme ça. Pourquoi vous n'avez pas me donné de numéro? Vraiment, c'est pas sympa. Parce que bon, c'est quand même les renseignements. J'appelle pour avoir un numéro et on m'en donne pas. C'était par rapport à quel numéro, monsieur? Le numéro de Sabrina. Quelle Sabrina, monsieur? Que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et là, je suis déjà pour votre information, il y a plusieurs centres en France. Vous n'êtes pas vraiment en France, hein, vous pouvez me le dire. Est-ce que vous avez une demande sérieuse à reformuler, monsieur? Oui, je la reformule sérieusement, donc je voudrais le numéro de Sabrina que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et parce qu'on s'est déjà eu au téléphone tout à l'heure, donc c'est comme ça maintenant on se connaît un monsieur, peu. Monsieur, désolé, mais je suis obligé de mettre terme à cet appel. Mais vous m'avez déjà dit ça tout à l'heure, ça ne m'obligeait pas à rappeler. Ils ont dû, tu sais, faire une note interne en speed en disant il y a un gogol qui appelle. Je suis sûr qu'ils ont dû voir sa tête avec les caméras, tout ça, ils ont dû griller sa tête, donc forcément il marquait wanted. Passer le responsable immédiatement. C'est bizarre, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Je suis sûr que si on rappelle encore une fois, il va se passer exactement la même chose. Bah, je sais pas, on rappelle. Vas-y, on essaye. Allez, pour rire. Allez, dernière fois, après on fait le jeu des amis. Sur les 8000, bonjour, quelle est votre demande? Oui, bonjour, mon chéri. Tu as une voix très charmante. Bonjour? Oui. Je n'ai pas une voix très charmante. Ah, si, aussi, oh, aussi, oh, oh là là. Bonjour? Tu ferais bander un éléphant, toi, mon cochon. Bonjour? Oui. Je peux vous appeler monsieur d'abord? Ah oui, bien sûr, mon chéri, tu peux m'appeler monsieur. Très bien. Je suis un grand monsieur. Vous avez monsieur. Une demande à effectuer, monsieur? Oui, je voudrais savoir si tu aimes les gros sexes bien poilus. Non, je déteste à fond, monsieur. Ah, je suis déçu, mon Dieu, tu ne sais pas ce que tu perds. Bah, je perds absolument rien du tout. Mais si. Hein. Absolument rien du tout, monsieur. J'ai tout à gagner, par contre. C'est quoi ton petit nom, mon chéri? Monsieur? Oui. Je vous dis merci pour votre appel et voilà. Bon. Ah ben non, viens juste de faire connaissance, seconde. Et sincèrement, je vous souhaite un très bon rétablissement. Mais je vais très bien, je ne suis pas malade. Non, je pense que c'est le contraire. Merci pour votre appel. Mais je ne suis pas malade, je voudrais juste qu'on fasse connaissance un petit peu. Non monsieur, j'ai pas le temps monsieur, j'ai du travail. Si. De toute façon, tant qu'on est au téléphone, ça veut dire que tu travailles, donc il n'y a pas de problème. Non, on travaille, mais du sérieux, carrément du sérieux. Mais moi aussi, je suis très sérieux, tu sais. C'est pas le cas, monsieur, c'est au moins Merci pour votre appel. Mais non, mais attends, une seconde. Ah ouais, bah il s'est pas passé exactement la même chose, Roux, c'est perdu, hein, pour l'appel. Il a fait mentir le Roux. On aurait dû faire un petit pari pour la boire, un truc. C'est plus drôle quand c'est des gars, moi, je trouve. Hein. Oui, par contre, bravo pour l'imitation de Jean-Claude. Je te remercie. Mais franchement, on aurait pu y croire, hein. Ouais, c'est bon, je sais qu'il est pas devant nous, mais c'était pas mal. Bah c'est à force de le fréquenter. Hein. J'imagine bien. Bon, bah 118, je crois qu'on rappellera encore un petit coup tout à l'heure. Ouais, parce que là je suis vraiment déçu. Mais pas le même, un autre peut-être, non? Il reste qui là? Qui est-ce qu'on a pas appelé en 118? Je sais plus. 712 on a appelé? Ouais, non. 712. Oui, 712 on a fait, 000 aussi. 008 aussi. Bah, je sais pas. Il reste 018. Ouais. Il reste 118, 218. Ouais. Ah oui, 118, 218, on les a pas encore appelés. Bon, on fera ça tout à l'heure. Robin, donc, nous allons jouer maintenant au jeu des amis. Ouais. Bon, très bien. Réfléchis, t'es sûr, hein? Quoi? Je dis, tu peux réfléchir si tu veux. Ouais, très bien. Allez, on joue maintenant au jeu des amis, donc comme chaque soir à peu près dans ces heures-ci. Et Robin, on va donc appeler une de tes connaissances, on va vérifier si il ou elle te connaît bien, on va lui poser des questions, 10 bien sûr. Et Thibaut qui dit qu'il y a le 118-333 aussi sur le chat. Ouais, mais on peut pas tous les faire. On peut pas tous les faire, mais enfin, quitte à en faire comme ça au hasard, autant choisir quoi. Il plaisante? Ben non, je plaisante pas. Vous avez déjà appelé des 118 Tex ou pas ou jamais? Non. Ah, non, jamais, d'accord. Vous n'avez jamais besoin de numéro de téléphone, vous avez tout dans Qu'est-ce votre téléphone. Vous non, je vous demande. Bon, c'est pas grave. Bon, Robin, on va donc appeler qui? Xavier, Paul ou Camille? Paul. Paul, allez, c'est un pote à toi. On y va, on l'appelle, on lui pose 10 questions. S'il répond correctement à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux, les gars. Comment vous êtes rencontrés tous les deux alors? Oui, attends une seconde, Otex. Paul? Oui. Salut Paul, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Ah, salut. Ça va? Oui, toi. Bon, très bien, ouais. Donc, Otex, qui voulait savoir comment vous étiez rencontrés? Au collège. Au collège, bon bah très bien, ça a au moins le mérite d'être clair et pratique. Et précis. Dans la cour de récré. Tiens, en parlant de récré, il y a des. Je crois que c'est des. Des bisutages, oui, on en parle tout à l'heure. Non, mais c'est des collégiens belges qui ont fait la grève. Non, mais c'est drôle parce qu'ils avaient plus le droit à une récré. Ils ont raison. C'est ouf, hein, quand même. Moi j'avais fait la grève à l'époque, hein, parce que le chauffage était en panne. Pendant deux ans. Non, j'ai fait grève, j'ai réussi à engrainer tout le monde pour qu'on aille, on aille dans, dans la salle des profs, puisque là il y avait le chauffage, hein, ils étaient bien. Et donc du coup, là, il y a eu cours dans la salle des profs parce qu'ils voulaient pas. Ouais, il te fait un point commun avec Lara Fabian et ça c'est beau. Pourquoi ? Elle a fait exactement la même chose. Ah bon ? Ouais. C'est génial. Mais c'est pas vrai, c'était une histoire inventée de. C'est bien qu'il a honte. Bon, Paul, je vais te poser 10 questions à propos de Robin. Si tu réponds correctement, à moins, au minimum 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord ? Ok. Bon, allez, bonne chance. Il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu passes. Et ce sera du coup considéré comme une mauvaise réponse. Allez, c'est parti. Quel est son dessert préféré ? Tarte aux fraises. Tarte aux fraises, bonne réponse. Quel est le prénom de sa mère ? Laurence, dommage. Quel est le dernier livre qu'il a lu ? Cimetière. Cimetière, effectivement, bonne réponse. Sympathique comme lecture. Ouais. Quel est son style de musique préféré ? Rock. Bonne réponse, très bon choix d'ailleurs. Quel type de sous-vêtements préfère-t-il porter ? Caleçon. Caleçon, bonne réponse. Bizarre que tu saches. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il ? 4 fois. Ouais, ça c'est bizarre aussi que tu saches. Quelle partie du corps l'attire le plus chez une femme ? Les yeux. Oui, donc un menteur, hein. Donc un de plus parmi, parmi tant d'autres. Quelle est la marque de son téléphone portable ? Sony. Non, malheureusement. Enfin, probablement, mais Micha a mis SFR. Il sait combien de fois il se branle par semaine, non, mais il connaît ça. Pas la marque de son portable. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Robin ? Non, c'est vraiment SFR, en fait. C'est SFR qui font des portables, maintenant. Ah bon ? Il faut pas comme portable c'est... SFR. C'est quoi comme portable ? Il y a écrit S by SFR. Donc. Ah. Donc Micha n'a pas fait de conneries. Et je m'en doutais, je lui ai même dit hors antenne. Ils reprennent des modèles de constructeurs. Ouais, ouais, ok, d'accord. Très bien. On dirait qu'on est tous dans une salle de bain. Parce qu'il y a des coups à cause du téléphone de Paul. Voilà, mais c'est pas grave. Là, tu reprends ta douche. On remet la salle de bain. Allez, on continue vite fait, c'est bientôt terminé. C'est horrible. Quelle est la destination de ces dernières vacances ? On va prendre une douche, ou ? Comment ? La destination de ses dernières vacances. Thaïlande. Eh oui, monsieur ne s'emmerde pas. Quelle est la série, sa série télé préférée ? Friends. Oui, alors ça c'est sur la liste. Tu sais qu'il y a des nouveaux trucs hein, depuis la sortie oui, de Friends. Je suis old school en fait. T'es old school. Si je puis me permettre de te conseiller, de te conseiller How I Met Your Mother, c'est dans le même esprit mais version version nouveau. Pour les fans. De quoi ? Ouais, j'adore. Pour les fans. Suis ton pote, Robin. Pourra pas te faire de mal. Ouais. Bon, on va vous filer les cadeaux puisque vous avez fait 9 sur 10, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah c'est gagné effectivement. Tex qui avait l'air relativement content. Hein, Mais Tex est toujours heureux. Vous avez vu la tête de. Non, non, Tex. Vous avez vu la tête de con du roux, il était là. Avec une tête en avant comme ça et un corps qui reste. En train de dormir en gros. Non, je dors pas. Il faisait la tortue. Sans la carapace. Je dors pas. Bon, qui voulait me parler ? C'est Robin ? Moi, je voulais savoir si je pouvais passer une petite dédicace. Vas-y. Alors, je fais une dédicace à Xavier, à ma petite agatounette, à Estelle. D'accord. À Audrey, à Julien et au Hugo qui vous écoute tous les soirs et qui est très con. Mais on aime bien. Très bien, bah écoute, c'est le principal. Bon, salut vous deux. Ciao. À bientôt et passez un bon week-end. Et si vous voulez jouer aussi au jeu des amis, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 612, débutez le message par M-I-K-L, puis vous mettez ami avec prénom, âge et numéro de téléphone ou sur mikl.fm. Bon paquet de rêve, les gants, tout au bien. Voilà, c'est du portugais. Oui. Bon, on rappelle les 118 dans quelques instants. Et puis on parlera du bizutage dans pas longtemps. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les places hein, pour le concert privé avec énergie de Tokyo Hotel. Ça se passera le 28 octobre à Paris. 6-11-12, débutez le message par Mickaël avec ensuite TH et votre numéro de téléphone. On a les albums de Lily Allen également. Et on fait péter le son de Lily Allen justement dans quelques secondes avec Toff. Fuck you. Ouais. Il court. Fuck you. Non, j'ai Winnie Too. J'ai une très très belle photo de Lily Allen nue dans son hôtel de Venise. Alors on met fuck you. Alors, allez voir bien. Sur mon blog. Parfait. Allez, on fait ça dans un instant. Bah je vais aller voir. Tiens, et on met fuck you juste après la pub. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Lily Allen à l'instant avec fuck you sur énergie et nouvel album de Lily Allen aussi. Enfin hein, le dernier en date. It's not me, it's you. Qu'on vous file maintenant sur énergie, il suffit d'envoyer votre message aussi au 612 débuté par Mickaël, vous mettez Lily et votre numéro de téléphone et vous aurez donc le dernier album de Lily Allen. Et on se mettra un nouveau single de Lily Allen dans pas longtemps également avec 22, nouveau single également des Fall Out Boy qui ne sortira que dans très longtemps d'ailleurs hein, mais on remercie Cécile qui m'a rencardé sur le nouvel l'album des Fall Out Boy et le nouveau single surtout des Fall Out Boy qu'on mettra tout à l'heure avant la fin de l'émission. On parlait du bizutage aussi en début d'émission et hier aussi d'ailleurs dans le mag hein, puisque c'est une histoire là pour ceux qui étaient pas là. Ça se passe où encore, j'ai oublié Poitiers. Poitiers. À Poitiers, ouais, c'est ça, c'est le bois d'amour. Ouais. Et donc en gros bah pour le bizutage, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui il y a quatre mecs qui vont forcer un autre gars, un nouveau en l'occurrence, à chanter la Marseillaise. Oui, mais pas que ça. Ah oui, pardon. Et donc il y en a un autre qui était en train de lui compresser les couilles avec la main. Voilà. C'est drôle. Et encore un autre qui lui mettait un doigt dans le fion. Et bah j'imagine que le dernier filmé. Est-ce que ça change au niveau des cordes vocales, la voix, la tonalité? Je ne sais pas, mais tu peux essayer avec toi si tu veux. Ah ben je veux bien moi. D'accord. Moi, je te garantis que ça change. T'es pas capre ou arrête. Non, je veux bien essayer avec Toff. Je veux bien que Toff chante la Marseillaise et se mette un doigt dans le cul tout seul. Voilà. Ah non, mais il faut que tu le fasses. Tu vois, quoi, t'es pas capro. Bah, moi, je lui comme à l'époque. Moi, je lui compresse. T'es pas capro. Ah, tu compresses. Moi, je compresse. Si quelqu'un d'autre se passe. Non, mais tu peux essayer, voir si ça change les en compressant. Non, mais attends, ça se travaille. Il faut que j'aille chercher des gants. Ah non, je fais ça à Manu. Non, pas à Manu. tu vois, t'es pas capro. T'es pas cap. Ouais. Je te donne ma salade de fruits. Qu'est-ce que je m'en fous, t'es kiwi là. Je vais pas me salir les doigts pour des pommes. Oh, allez, ça suffit maintenant. Bon, il y a Marie-Cécile qui est là maintenant, 16 ans du 76. Comment ça va, Marie-Cécile? Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, toute l'équipe. En forme? Bah, ça va et toi? Tu t'es fait bisuter pour ton prénom, toi? Non, ça va. Enfin, parce que non, pour c'est l'imprimer. Mon père qui voulait m'appeler Cécile et ma mère Marie. Donc ah, ouais, c'est putain. Un coup promis, ouais. Ouais voilà. Mais c'est toi qui paye les pots cassés. Ouais, heureusement que c'est pas Alain, Cécile ou Charlotte. Hein, parce que Cécile, ouais. Charlotte, ça aurait été dur. Hein. Ça va, je suis dans un bahut privé. Donc, Oh, bah tout va bien. Mais nous excusez. Oui, excusez-nous du peu. S'il vous plaît. Bon, Marie-Cécile, MC, on va donc parler avec toi du bizutage. J'imagine que tu n'as pas encore connu le bizutage. Pas encore, malgré que j'ai envie deux fois. Ah oui. Enfin, je dis ça, je fais pareil, hein, mais. Et donc, c'était quoi ton avis par rapport au bizutage? Bah, je trouve ça complètement con, quoi. Oui, bah oui, mais toi, tu le ferais pas, forcément. Bah, non, mais bon, enfin, je vois quand même des gars qui sont dans ma classe, hein, qui ont 14 ans, parce qu'on a 14 ans en 3ème, normalement. Normalement, oui. Ah, oui, donc, toi, t'es avec des mecs de 14 et t'en as 16, ouais. Voilà. Ah, tu dois être le fantasme de tous les mecs, en fait, dans ta classe. Bah, c'est écoute, pas le sujet, toi. Bon. C'est vrai que c'est pas le sujet, donc, si tu pouvais fermer ta gueule. Excusez-moi, je me suis emporté. Très bien. Allez. Bon, je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire chier les sixièmes, enfin, aller les voir, à leur raconter des conneries. Et je trouve ça complètement con, quoi. Bah, oui, mais c'est con parce que t'es pas dans le trip, c'est comme, j'en sais rien, moi, tu sais, les gens qui picolent, par exemple. C'est à partir du moment où t'es pas dans le trip et où tu bois pas un petit peu de jusqu'à verre de temps en temps. Je me suis déjà fait bizuter quand j'étais petite, donc. Ah, mais c'était quoi le bizutage? Rien, enfin. En fait, si, ils me forçaient à faire des trucs, mais j'avais pas envie de faire, quoi. En fait, non, mais j'ai compris, mais ça, c'est le concept. Des gars. C'est le concept du bizutage. Puis c'est dans les chiottes des gars. Dans les chiottes des gars, ils me forçaient à toucher les gars, quoi. Ah oui, donc. Mais t'avais quel âge? Bah, j'avais 12 ans, parce que c'est retrouvé ma 5ème et ma 3ème, donc. Ah ouais, et les gars qui faisaient ça, ils avaient quel âge? Bah, les gars, enfin, ce qu'il y avait dans les chiottes, donc, enfin, souvent, c'était les 3ème. T'es sûr que c'est du bizutage, ça? Bah, le bizutage, normalement, c'est pour rentrer dans un groupe, tu vois. Ouais, parce que là, du coup, t'es rentré dans rien du tout. Tu sais, après, il me disait, ouais, comment tu seras bien vu, on te fera plus chier. Bah, du coup, t'as retourné deux fois. T'as affaire et tout. Ouais, mais ça, c'est avec les profs, hein, c'est pas les élèves entre eux. Ouais, c'est chelou comme histoire, hein. Ça ressemble pas vraiment à du bizutage, quoi. Bah, si, oui et non, en fait. Bah, ouais. Un petit peu oui, un petit peu non, effectivement, c'est ça le truc. Attends une seconde, il y a aussi Eric qui est là. Salut, Eric. Ouais, salut Michael, salut tout le monde. Comment ça va, Eric? Salut. Ça va. Mon Dieu, Eric, 50 ans. Ouais, dans la voix, on n'aurait pas cru. Hein. Ah non, dans la voix, on aurait pu croire que t'en avais 25, quoi. Ouais, ou une toute petite trentaine. Ouais, t'es gentil pour moi. Bah, je t'en prie. Bon, bah, après, l'âge est là. Hein. Ça, on peut rien faire, malheureusement. Ça, non, mais t'inquiète pas, j'ai toujours l'esprit jeune. Ouais, c'est ce qu'on se dit quand on est vieux. J'ai l'esprit jeune. Par contre, il a l'esprit du lourd. Tous les vendredis soirs, donc. Ah, que le vendredi? Ouais, tous les vendredis quand je rentre, je travaille dans le nord de la France et j'habite dans les Vosges, donc. Et quoi, il y a pas d'énergie pendant 3 heures, je vous dis. Il y a pas d'énergie dans le nord? Si, mais je veux dire, je vous suis. Ah, tu suis en voiture, enfin. Ouais, j'écoute d'abord plusieurs autres radios concurrentes à vous et puis seulement à partir de 9h, je vous écoute. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parfait. C'est parfait. Est-ce que Médiamétrie t'a déjà contacté? Non, jamais. Ah, jamais. Merde. Si, j'appelle jamais les bonnes personnes. Ouais, mais je sais pas s'ils se présentent en disant bonjour, c'est Médiamétrie. Ah, je sais pas. On t'a déjà demandé quelle radio t'écoutais? Tu veux que je te le dise en direct? Non, mais quand on t'a. Est-ce que quelqu'un t'a déjà téléphoné, un inconnu qui non, dit non, bonjour, non, messieurs? Non, La médiamétrie, j'en ai jamais entendu, enfin j'en ai entendu parler, mais on m'a jamais consulté. Ah putain, c'est dommage. C'est bon, les autres, si on vous demande quelle radio vous écoutez, dites Énergie, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Hein. Ouais. Surtout ouais, le soir. Parce que sinon, je peux te donner les autres que j'écoute, mais. Non, bon, on s'en fout. Hein. Non, ça nous intéresse pas, nous. Ah, mais tu l'as dit, c'est pas terrible. Ouais, voilà, mais alors c'est encore plus con, parce que si tu sais que c'est pas terrible, pourquoi tu les écoutes? C'est ça la question. Parce que vous êtes pas là sur les autres heures. Non, mais chacun son sujet. L'info, c'est l'info, et puis après, la déconne, c'est la déconne. Ah oui, d'accord, ok, t'écoutes France Info. Ouais, si tu veux. Ouais. D'accord. Enfin, si nous aussi, on fera des infos tout à l'heure. Hein. Oui, non, c'est parce que moi je dis pas ce que j'écoute. Bah, y a pas de mal. Bah, parce que je fais pas de la pub à la télé. Y a pas de... Mais ça tombe bien, t'as la radio. Bon, Eric, tu voulais réagir au bizutage? Ouais, parce que effectivement, le bizutage, on en parle toujours quand c'est la partie méchante du bizutage. C'est-à-dire que effectivement, bon, ça dérive toujours un peu, comme ce que tu viens de dire à propos de Poitiers. Ouais. Mais il faut aussi dire qu'il y a. Ce que disait Tuff tout à l'heure, c'est la volonté d'intégration. Donc c'est que des jeunes qui arrivent, qui n'ont rien connu à la vie, puissent rentrer dans une école un peu plus, d'un niveau un peu plus élevé, puis qui sortent un peu de chez eux. Ouais, enfin, c'est pas avec un doigt dans le cul que tu vas apprendre plus sur la vie. Hein. C'est ce qu'il a dit, Ça, c'est le côté crade, voilà. Le côté pire. Ah, après, t'as le côté sympa, voilà. Rigolo. Oui, mais bon, c'est pas en chantant la Marseillaise non plus. C'est pour ça que moi, je voulais, si tu veux, annoncer quelques petites choses qu'on faisait qui étaient assez marrantes. D'accord. Et qui font également partie du bizutage. Et donc, qui sont censés les élever, cultiver, voilà, les cultiver, donc, puisque t'as dit un niveau plus élevé. D'accord, vas-y, dis-nous. Et bah, par exemple, je sais pas, faire un hold-up d'une banque avec une deux chevaux. Oui, mais alors ça. Avec un bas sur la tête. Ah ouais. En ayant prévenu le directeur de la banque. Ah, parce que pour le même prix, le mec il se retrouve en taule. Hein. C'est surtout comment prendre la fuite avec une deux chevaux. Et en ayant pour objectif de voler tous les rouleaux de PQ qu'il pouvait y avoir dans la banque. Oui, ouais, c'est passible de prison, mais vite fait. Quoi. Ouais, mais attends, et le directeur de la banque trouve ça drôle et il accepte. Mais oui, parce que c'est un ancien élève généralement. Avec l'âge que j'ai, le recul qu'il y avait, si tu veux, à l'époque. Ça déconnait, donc le bizutage faisait quand même partie de la vie. Hein. D'accord, ouais. Voilà. Parce que généralement, en fait, même les anciens élèves qui ont participé à ça, s'ils peuvent aider après les autres élèves, ils continuent à le faire. Quoi. Ouais, d'accord. Bah, exactement, voilà. Très bien. Dans d'autres exemples, par exemple, des courses de caddie. Ça me paraît assez classique. Oh, c'est rigolo, ça. Bon, des courses de caddie, c'est marrant. Oui, oui, bah bien sûr, évidemment, surtout quand on se fait mal. On l'avait fait dans le couloir, d'ailleurs, à l'époque, quand on était dans l'autre studio. On l'a vu caddie. Enfin, non, c'est quand on était à Montpellier. Fils, on l'a fait sur le parking. Voilà, on sur le parking. On a fait nos sports extrêmes. Ouais, c'était avec les yeux bandés, d'ailleurs. Oui, avec les yeux bandés. Ou alors, donc, si tu veux, un jeune, enfin, le bisu qui vient de rentrer, on lui donne des missions. Mm-hmm. Et une mission, je me souviens d'une mission, par exemple, à Strasbourg. Il y avait une pharmacie qui s'appelait Pharmacie de la Vierge. Ouais. Et ouais. Il fallait enlever le i. Oui, mais voilà, c'est rigolo. Tu vois, ça fait mal à personne. Au pire, le pharmacien va gueuler parce que t'as enlevé son enseigne. Le pharmacien a gueulé parce qu'on lui a enlevé son i. Mais je veux dire, on lui a rendu le lendemain. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est drôle. Voilà, c'est rigolo. Mais ça, c'est les côtés marrants. Après, t'as plein d'autres trucs qui sont vachement plus trash, quoi. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Pas de problème. Ouais. Non, je me souviens d'un autre également qui est pas marrant non plus, mais. Mission tirer les godasses d'un flic avec du dentifrice. De quoi? Cirer les godasses d'un mec avec du dentifrice. Non, d'un flic. Ah, d'un flic. Ah oui, d'un flic. Ouais. Oh, c'est sûr que c'est drôle. Ouais, c'est drôle, mais faut trouver le flic qui veut bien. Oui, t'as tendance à lui demander l'autorisation avant, quoi. Ouais, il vaut mieux. Oh, le truc tout naze. S'il vous plaît, parce que je voudrais me faire bisuter. Ouais, je peux prendre le truc de dentifrice là que j'ai dans la main. En l'occurrence, moi, j'ai réussi à le faire avec le flic qui nous accompagnait au cours du bizutage. Au poste, il t'a accompagné là-bas directement. quand on est bizuté, si tu veux, on se promène à 200 en ville, 200 élèves ingénieurs dans une ville, et puis t'as un flic qui nous accompagne puisque c'est une manif. Ouais, bah oui, forcément, d'accord, ok. Le flic qui suivait la manif, on a réussi à lui cirer ses godasses. Bon, ça va, mais non, mais ça c'est les côtés rigolos. Dites-nous les autres si vous avez déjà vécu des côtés un peu moins drôles, justement. Tiens, 612, débuté par Mickaël, et vous laissez votre numéro de téléphone. Bon, bah merci beaucoup Eric, en tout cas. Bah, je t'en prie, puis moi je suis arrivé, donc je suis content, je vous laisse, et puis une bonne soirée à tous. Hein, bah écoute, bonne soirée à toi, bonne soirée à Marie-Cécile, vous retournez tous les deux au standard, en tout cas, passez une bonne soirée. Et donc, on n'a pas fini d'en parler, hein, de cette affaire de bizutage, justement, là, les jeunes qui se sont retrouvés à siffler la Marseillaise avec un doigt dans le cul. Oui, il faut le dire. Non, mais appelons un chat un chat. Oui. Voilà. Et donc, le pire, c'est que, tu sais, on se met à la place des quatre qui ont. Ah oui, toi peut-être, mais moi je veux pas mettre à leur place. Hein. Moi je veux bien, hein, pourquoi ouais, oh là là. Bon, évidemment, on en plaisante, mais évidemment, on imagine bien le traumatisme pour les gosses, ça c'est clair. Hein. Bah non, non, moi j'imagine pas du tout ce que ça fait. Ouais, c'est ça, mytho, ouais. Allez, plus sérieusement, c'est un sujet qui touche bah, beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai que le bizutage concerne tous les milieux, hein, le sportif, on l'a entendu tout à l'heure, les politiques. Ouais. Et même les télés commencent à s'y intéresser. Tous les magazines d'investigation sont sur le coup. Tous les journalistes veulent savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou si ce genre de bizutage sexuel se produit régulièrement. Voici donc maintenant, en full exclusivité, la bande-annonce du prochain numéro d'Enquête et Révélation consacré au bizutage. Enquête et Révélation. Le bizutage fait-il des ravages ? Après que quatre internes d'un lycée de Poitiers aient été obligés de siffloter la Marseillaise avec un doigt dans l'anus, l'émotion est intense. Ouais. Enquête et Révélation revient sur ce phénomène. Votre magazine d'investigation vous entraînera dans l'intimité de l'équipe de France. Quels moyens Raymond Domenech a-t-il utilisé pour faire chanter la Marseillaise au bleu ? Les joueurs ont-ils été traumatisés ? Vous le saurez en regardant Enquête et Révélation. Vous saurez aussi comment Rachida Dati a elle-même souhaité se faire bézuter par Nicolas Sarkozy à son arrivée au gouvernement. Pourquoi insistait-elle pour chanter la Marseillaise à chaque conseil des ministres ? Vous le saurez en regardant Enquête et Révélation. Découvrez également en exclusivité les coulisses de l'introduction de Jean Sarkozy à l'EHPAD. Comment, pour se faire enfin accepter par ses pairs, le fils du président s'est-il retrouvé à siffloter la Marseillaise avec une maquette de la Défense dans l'anus ? Enquête et Révélation, spécial bizutage, c'est bientôt. Écoute, c'est. Il y a paracolore. Non, c'est paracolore. Ça fait très droit de savoir. Exactement. Par contre, il a oublié de parler de détails pour savoir comment le roux s'est fait bizuter pour rentrer énergie. Ah non, je me suis pas fait bizuter. La première chose que j'ai vue quand je suis rentré ici, justement, c'est l'anus de Fredo. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. L'anus c'est... de Fredo. Ouais, notre envoyer sa raie du cul à chaque fois, c'est ça. Ouais, c'était c'est plus vrai, que ouais. La raie, envoyer la moitié du cul, quoi, tout court. Oui, mais c'est lui, en fait, il essayait d'avoir une promotion. Ouais, il voulait se faire bizuter. Ah, il l'a eu après, hein. Ouais, il a chanté la Marseillaise. Voilà, c'est ça, ouais, il l'a eu, hein. Bon, Toff, on rappelle les 118. Allez, on y va. Bon, on fait lequel maintenant, on sait Toto YouTube. Toto YouTube, 118 de 118. Bah, ouais, allons-y, 118 de 118. Toto YouTube. Non, je sais pas. 118, 218. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah, bon. T'as besoin de chanter. Allez, comme une bah ouais, mais comme quoi leur pub, elle marche. Hein. Bon, enfin, elle marche pas parce que je l'appelle jamais, mais elle marcherait un peu mieux si c'était gratuit. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, même le roux, il appellerait tout le temps. Allez, on y va, on rappelle. C'est dingue, ça. Bienvenue au 118. Quelle est votre demande ? Oui, bonsoir. En fait, non, moi, j'avais pas de demande particulière, mais je voulais juste savoir c'est quoi votre prénom ? Sarah. Sarah. Oh, merci. C'est joli comme prénom. Vous avez quel âge, Sarah ? Je ne suis pas en mesure de vous communiquer ce genre d'informations, monsieur. Sarah, vous pouvez bien me dire quel âge vous avez. Souhaitez-vous un renseignement ? Oui, en fait, j'aimerais bien voir votre numéro pour pouvoir vous rappeler en privé. Monsieur, je ne suis pas en mesure de vous communiquer ce genre d'informations. Bah, attendez, si vous me donnez votre nom et votre prénom, vous pouvez me donner votre numéro. Non, monsieur. Mais pourquoi ? Je ne suis pas en mesure de vous communiquer ce genre d'informations, tout simplement. Et vous êtes comment, Sarah ? Plutôt brune ? Un instant, je vous prie, je vous mets en relation avec un responsable. Mais qu'est-ce qu'elles ont, quoi? Ah ouais. Ah, c'est ça, le... Même le responsable, il t'a bâché. Ouais, c'est ça le responsable, en fait. Bon, on rappelle. Non, mais faut pas déconner. 218, quelle est votre demande? Bonjour. Ma demande, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu vous toucher au téléphone. Pardon, monsieur, vous avez bien entendu? J'aurais voulu savoir si vous auriez pu vous caresser en me racontant des histoires cochonnes. Si je vous prie de m'excuser, je n'ai pas bien compris votre demande. Oui, je demandais si vous pouviez vous caresser en me racontant des histoires cochonnes. Je vous prie, je vous mets en relation avec le responsable. Merci pour votre appel. Excellente soirée. Mais attendez, on n'a pas commencé encore. Qu'est-ce qu'elles ont là? Franchement, les autres, au moins, ils passaient le responsable. Bon, on rappelle. Non, vas-y, on appelle un autre. On appelle un autre. Et toi, Toff, tu vas finir avec un imperméable à poil dans la rue, toi. Je le fais déjà. Ouais, c'est le week-end pour m'occuper. Ah, il le fait déjà, t'emmerdes pas. Hein. Bon, allez, on appelle lequel maintenant ? 118-018. Allez. Ce service sera facturé 1,35€ à l'appel, plus 34 centimes la minute. Nous agresse, ça, quoi, nous le dire. 18-018, bonsoir. Quel renseignement désirez-vous ? Oui, bonsoir. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, non, je voulais savoir c'est quoi votre prénom ? Comment ? Non, je voulais savoir comment vous vous appeliez. Ah, d'accord, donc nous sommes un service de renseignement, monsieur. Est-ce que vous suivez ? Je vous demande un renseignement. Quel est votre prénom ? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je ne peux pas vous donner, donc je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Je viens de vous dire, monsieur. Ah non, vous sommes un service de renseignement. Oui. vous souhaitez avoir des renseignements, oui, je peux vous renseigner, mais en ce qui concerne divulguer des informations sur moi, je suis vraiment désolée. Ah, peut-être que vous pourriez me donner votre âge. Je suis vraiment désolée, monsieur. Donc, vous souhaitez faire des rencontres? Pas spécialement, je souhaiterais juste parler de sexe avec vous. Je suis vraiment désolée, monsieur. Donc, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Excusez-moi, monsieur. Donc, je suis vraiment désolée. Si vous souhaitez parler de sexe, je vous remets un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler. Et dès là, vous allez avoir des femmes au bout du fil pour parler de sexe. Peut-être que vous pourriez me laisser votre numéro de portable et je vous appellerai pour parler de sexe. Je suis vraiment désolée, monsieur. Donc, je ne suis pas la personne idéale. Ah bon, pourquoi vous? Je suis là uniquement donc, pour faire mon travail. Si vous le souhaitez, je vous remets un numéro. Vous avez de quoi noter? Non, moi c'est avec vous que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de sexe avec vous, de savoir comment vous aimez être prise. Écoute, donc je suis vraiment désolée, dans ce cas je serai obligée de raccrocher. Ah bon, mais vous voulez... C'est pas le choix. Vous aimez pas ça, le sexe? Merci beaucoup pour votre appel, monsieur, et bonne soirée. Attendez, on vient pas de faire connaissance. Donc, je suis vraiment désolée, monsieur. Donc, si vous souhaitez faire connaissance, je vous donne un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez contacter les femmes. Non, mais moi, je veux faire connaissance avec vous. Vous avez l'air un petit peu dominatrice et ça m'excite. Moi, j'aime bien quand on me domine. Ah, d'accord. Donc, vous aurez donc le numéro de téléphone que je vais vous remettre. Vous allez avoir des dominatrices aussi, monsieur. Moi, je suis vraiment désolée. Bah, non, c'est moi qui suis désolée parce que moi, je sentais qu'il y a un vrai feeling qui passait entre nous et là, on ne l'exploite pas et c'est dommage. C'est dommage de pas... De casser comme ça. Je suis vraiment désolée, monsieur, je serai obligée de raccrocher. Mais non, je vous remercie non. beaucoup pour votre appel. Mais non, on n'est pas obligé de se quitter. On va pas se quitter comme ça. Si vous souhaitez faire des rencontres, je vous demande de rappeler de nouveau. Il est là, on va vous remettre un numéro pour faire ces rencontres. Attention, parce que je pense que vous avez fait des bêtises avec votre téléphone, parce que là, ça, le son est un petit peu dégueulasse. Hein, on s'entend plus très bien. Allô? Je suis vraiment désolée, monsieur, au revoir. Allez, désolé. Mais non, attendez, on va pas se quitter comme ça. Si. Ah si, bah si. Qu'est-ce qu'elle était désolée. Oh, je suis déçu quand même. Je sentais que ça passait bien avec elle. Moi, je suis désolé. Ah, elle était chiante. Bon, on va rappeler, peut-être pas cela, mais on va peut-être tomber sur quelqu'un. Ah si, celle-là, elle a l'air un peu dominatrice. Bon, bah si tu veux. Je pense que d'ici la fin de l'appel, elle pourra me fouetter. Ouais, bon, on rappellera ça tout à l'heure, bien sûr. Restez bien là le temps qu'elle se termine, puisqu'elle visiblement elle avait déjà démarré avec son téléphone. On fait ça, le temps d'écouter le son de Lily Allen sur Énergie avec... 22. Non, bah non, on l'a déjà écouté tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. 22, c'est le nouveau single de Lily Allen, on écoute ça. Bouge pas. Stoff part dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Michael revient juste après ça. Voilà le son de Lily Allen à l'instant. C'était 22 sur Énergie et Lily Allen qui chante avec Ours. Hein, donc hein, il faut pouvoir le rappeler. Et le single d'avant était celui-ci. Hein, je sais pas si vous vous en souvenez. Ah non, ça c'était avec le canard. Ça avait dit qu'on ne rediffuserait plus jamais, mais... Quoi ? C'est de plaisir en la rousse. Ça fait pas plaisir ou ? Si, c'est drôle, moi. Tu veux l'ours ? Drôle. Ouais, y a pas, on a rien fait avec un cochon ? Ah, je sais pas, on avait fait un cochon ou pas ? Je me souviens plus. Non, je crois pas. Lily Allen et Pig. Non, on avait fait un chien, je crois. Un chien. Ah, le chien, ouais. Bah, fais péter le chien, celui-là. Voilà. Ouais, j'ai le chien. Hein. Allez, bah, on refait péter le chien. Hey, toi aussi. Mais quel gogol. Attends, mais je te vois pour vous deux pour le coup. Ouais. Mais non, mais moi je l'imite parce que je sais qu'elle allait être content. Non, mais non, moi je m'en fous. C'est vrai. Ouais, moi je suis un rebelle. Mais ça n'a rien à voir. Moi je coûte du rock. Avril Lavigne à fond. Ah non, Avril Lavigne, non, mais Fall Out Boy qu'on mettra tout à l'heure, ouais, avec plaisir, le nouveau single des Fall Out Boy que nous mettrons tout à l'heure sur Énergie. Bon, on va rappeler les 118, Toff. Allez, cours, cours, cours, cours, Forest. Voilà. Appeler, c'est bon. Je suis prêt. Très bien. Allez, on rappelle les 118 et on fera un petit chéri, je t'ai fait cocu juste après. Ce service sera facturé 1,35€ à l'appel, puis 34 centimes la minute après le bip. 118-018, bonsoir, quel renseignement désirez-vous ? Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle parce que j'avais envie de parler un peu de sexe ce soir et je me suis dit qu'on aurait pu en parler ensemble. Donc, je suis vraiment désolée, monsieur, excusez-moi, je ne suis pas la personne concernée. Ah bon, si vous souhaitez, je vous remets mon numéro de téléphone pour faire ces rencontres. Non, si j'ai pas envie de faire des rencontres, j'ai envie de parler de sexe avec vous. Donc, moi, je suis vraiment désolée, comme je viens de vous dire, je ne suis pas la personne concernée. Est-ce que vous avez des gros seins? Donc, je vous fais savoir, monsieur, qu'on a déjà votre numéro de téléphone. Oui. Ça fait déjà plusieurs fois que vous nous avez que vous avez appelé sur ce service. Oui, tout à fait. Donc, on remet votre numéro de téléphone au commissariat de police. Ah, cela vous convient? Ah, très bien, très bon bien. Genre. Et on pourra s'y voir au commissariat? Donc, et dès là, on verra par la suite. Pour cela, monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre appel. Si vous ne souhaitez pas prendre quoi que ce soit, si vous ne souhaitez pas prendre le numéro de téléphone que je vous remets... J'aimerais bien prendre le numéro, je peux vous rappeler en privé, qu'on puisse discuter donc, tranquillement ce soir. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je viens de vous dire, c'est un service de renseignement. Mais oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous demande votre numéro. Je suis ici uniquement, donc, monsieur, pour vous renseigner. Et c'est tout. Mais c'est bien ce que je vous demande. Renseignez-moi. Quel est votre numéro? Mon numéro de téléphone, monsieur. Oui. À vous, personnellement. Et pas, donc, par rapport à la conversation qu'on est en train de parler. Et je suis désolée. Vous souhaitez donc... si vous souhaitez avoir un numéro de téléphone pour faire des rencontres, pour parler avec des femmes, je vous remets un numéro de téléphone. Mais je parle déjà avec une femme et vous avez l'air comme je les aime, c'est-à-dire dominatrice, dure, ferme. Vous pratiquez le SM? Je souhaiterais me faire fouetter. Je suis vraiment désolée, monsieur, donc ces questions ne me concernent pas. Vous n'avez jamais pratiqué? Je vais mettre faire cet appel. Parce que vous devriez essayer, je suis sûr qu'une petite combinaison en cuir, ça vous irait bien. Alors, elle s'est barrée. Elle s'est barrée? D'accord, ok, très bien. Je suis déçu, moi qui étais chaud et tout. Et... Qu'est-ce que tu veux? Tant pis, hein. C'est pas grave. Moi, hein. Je suis triste. Je suis très triste. Et elle est désolée, donc. Ah oui. Ça tombe bien. Elle est désolée, en effet. Bon, on va faire le chéri, je te fais cocu dans un instant. Mais avant cela, je l'avais dit avant 22h30 et je suis dans les temps. Non, c'est bien la première fois que ça arrive. Ah, je suis dans les temps. Ouais. On appelle le ou la gagnante pour Tokyo Hotel. Allô, Nawal? Ouais, c'est génial. Mais t'as pas gagné encore. Bah si. J'ai gagné. Mais oui, Nawal, deux places pour venir avec la personne de ton choix. Deux. Hein. Deux. Par contre, tu n'as que deux. Hein. Désolé. Nawal, tu vas aller avec qui du coup? Tu vas y aller avec qui? Avec Audrey. Ah, et les autres, tu les laisses au placard? Ouais, ils ont pas mérité. Mais c'est ma meilleure amie, ça fait au moins 4 ans qu'on essaye de gagner des places pour avoir un truc avec Tokyo Hotel et je gagne jamais. Et là, franchement, je suis trop contente. Eh ben voilà, tu vas donc pouvoir y aller. C'est le 28 octobre, concert privé avec Énergie. C'est à l'occasion de l'ouverture du plus grand magasin d'électronique de France au centre commercial Domus. C'est Énergie et Saturne qui filent les places. Bon. Bah t'auras qu'à y aller avec ton papa. Bah voilà, comme ça lui il ira faire les magasins. Le papa Noël. Ah merci, c'est une grosse dédicace à Sabrina, la copine de ma sœur. Depuis tout à l'heure, elle est au téléphone avec elle, elle est en train de crier. Et ma maman qui m'a prêté son portable. Ah bah elle est gentille, parce que c'est elle qui a raqué du coup pour les textos. Bon, gros bisous Nawal. Tu l'auras pas dit, mais la semaine prochaine, il y a des rencontres à gagner. Salut Nawal. Salut. Ciao. On dirait monsieur. C'est insupportable. Monsieur est dans le polo chaud, bien évidemment, qu'on aura la malchance de retrouver ce soir, je pense. Bon, d'autres places à gagner pour Tokyo Hotel. On remet le couvert dans 8 minutes, à 22h30 jusqu'à minuit. Et vous allez pouvoir rejouer. Et donc, n'oubliez pas aussi, parce que Toff en parlait la semaine prochaine, donc des rencontres avec le groupe. Donc ça va faire foutre la rage. Avec le groupe ou avec l'hologramme? Avec le groupe. Et donc ça va foutre la rage à ceux qui ont gagné cette semaine. Mais bon. On va surtout avoir des meilleurs cadeaux. On va avoir du PES. Oh, et PES 2010 avec les PS3. Ouais. On va pouvoir jouer. Sandro va faire des matchs et tout contre le Roux. Ça va être la fête. Non, mais parce qu'il y a déjà un des potes du Roux qui veut venir à la maison pour parce qu'il a le 2010. Voilà, non, non, j'ai la démo. Pas la même occasion. J'ai la démo, ouais. Ah, j'ai le 2010? T'as pas le. Pas toi, mais ton pote là. Ah bon? Ah, c'est bien, mais ouais, il a pas de bras pour jouer. Je devais te passer le message, donc j'ai essayé de retenir juste. C'est celui sans bras et sans jambes? C'est celui qui bosse avec Cash. Ah, c'est Seb à l'arrière. D'accord. Comment il fait pour l'avoir? C'est pas normal que tu en aies perçu, parce que tu es censé en recevoir un aussi. Ah bon? Et où chez moi? Non, le monsieur un peu fort qui s'occupe des cadeaux. Monsieur cadeau, ouais. Voilà, il t'a rien donné. Il était censé te donner un jeu pour que tu puisses le tester tout le temps. Voilà où il l'a eu. Seb, j'ai trop la rage. En fait, il t'a piqué le tien. Ah, j'ai la Jura là. Attends, je vais l'appeler. Bah, appelle-le, mais je pense pas que ce soit le tien. Ouais, non, mais tu vas appeler monsieur cadeau. À cette heure-là, tu vas être bien reçu, mec. Ouais, parce que il faut savoir que je raconte ma vie. Hein. Ouais, bon, t'as été tout à l'heure. Non, je suis allé il y a 3 jours, on m'a fait la présentation. Et donc, monsieur cadeau a dit non, je vais les garder, je vais les distribuer. Oh, quel est relou lui. Et donc du coup il était censé en donner 1€ pour que lui le teste puisque c'est le seul de l'équipe qui a une PS3. D'accord. Ah, bah non, non, c'est pas vrai. C'est faux. Moi, je peux me démerder pour en avoir une. Moi, j'en ai une. Non, pardon, c'est le seul qui a une PS3 et qui était susceptible de tester le jeu. C'est faux. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Moi, je suis une grande fan de PES. Oui, exactement. C'est quoi, c'est un jeu de foot? Oui. Oui. Bah oui. Et donc Sandro, qui est en chien depuis qu'on a annoncé ça hier, qui va y avoir PES. Là, elle veut jouer, tout ça, etc. Donc, ouais. Tu peux l'appeler, toi? Bien sûr, je l'appelle. Attends. Attends, mais j'ai pas le numéro, en fait. Non mais appelle la lanterne. Et ça capte pas du tout. Mais si ça capte. Arrête de mentir, tu veux paniquer ton forfait. C'est ça, espèce de crevard. Non, c'est pas ça. Je voudrais bien, mais ça capte pas. T'es un crevard. C'est juste ça que tu es. Tu es un crevard. Non, c'est si capte t'es pas. Un crevard. Non. C'est ça. Ouais. Bon, on va faire le chéri. Je t'ai fait cocu dans un instant. Bon, on va faire ça maintenant. Hein. Il y a Sofiane qui est là. Salut Sofiane. Salut Mike. Salut l'équipe. Comment salut. Ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Eh ben toi, ça va, mais moi, j'ai pas eu mon PES. Bon, ça va, on va pas y passer la nuit, oh, ou. Alors là. Hein. C'est pas grave, tu joueras à PES 2009. Oui, oui. Eh ben oui, ça, j'y joue. Tu gagnes à PES 2009? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Bon, bah tant mieux, c'est le principal, tu me diras. Hein? Ouais. Quelle aigreur. Elle est vénère. Hein. Non, mais ça va. Quelle aigreur. Non, mais c'est vrai, c'est con, t'aurais pu jouer tout le week-end. Arrête, oh, comment putain, tout pas. Le week-end, t'aurais, ouais. Tu serais arrivé ici lundi soir, tu nous aurais parlé du jeu et tout, ça aurait fait plaisir à monsieur PES. Et là, non. Alors qu'il y a un mec qui bosse l'après-midi qui est en train de se marrer là maintenant. En train de jouer là, joue, là maintenant, pendant que je te parle, il joue. Ouais, vas-y, c'est bon, avance. Bon, Sofiane, on va faire un chéri, je t'ai fait cocu. Ouais. Très bien. Et. Pourquoi tu es toujours obligé de sortir du studio pour défoncer tout à chaque fois? Mais il n'y a plus de télé. Il est mauvais. Qu'il est fatigué, oui, je te confirme. Ouais. Bon, 17 ans de Valenciennes, Sofiane, on va faire un chéri, je te fais cocu. On va appeler qui? Ma copine. Oui, bah j'imagine bien. Mais comment s'appelle-t-elle? Céline. Céline, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait depuis le mois de mai. D'accord. Depuis le mois de mai, ouais, d'accord. Et très bien, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est Sandro qui va jouer. En fait, elle, je l'ai rencontrée à la patinoire de Valenciennes. D'accord, en plus, son droit adore patiner. Oui, je suis patineuse. Ah oui. Et donc, ben là, je suis en stage au service sécu de la patinoire de Valenciennes. Mm-hmm. Et il y a plein de... Excuse-moi, juste une petite question. Il y a beaucoup de boulot pour faire la sécu. C'est au cas où il y a un grizzly qui se pointe. C'est ça. Mais bah, oui. C'est pour, c'est pour le secourisme, etc. Pour? Notamment les secouristes. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Et alors donc? Et donc, il y a plein de meufs qui viennent me donner leur numéro évidemment. Quand je suis là-bas. Ouais. Normal. Normal. Et donc, je vais lui dire que là, je suis avec une d'entre elles. J'ai fini de travailler à 22h. Et je vais lui dire que je suis avec une d'entre elles chez elle. D'accord. Très bien. Bon, et bah parfait. Comment s'appelle, du coup, Sandro? Sandra, ou on l'appelle autrement? Anaïs. Souria. Non, Anaïs. Anaïs. D'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. On y va, on l'appelle. Tu joues pour un écran plat 32 pouces LCD ou pour des appareils photo numériques? Ça, c'est toi qui géreras après, évidemment, avec Micha. Si toutefois vous êtes bon. Oui, c'est okay. Gagné. D'accord. Et donc on y va, on l'appelle. Et puis bah bonne chance. Si elle pleure, c'est perdu. Faut que tu fasses ça du tac au tac, bien sûr. Ok. T'inquiète. Allez, on y va. C'est parti. Bonne chance. Il a tout cassé, Daf. La télé clignote là, c'est pas normal du tout. Hein. Ah. Allô? Ouais, mon cœur, c'est moi, ça va? Oh, ça va? Ouais, toi? Ça va, tu sais quoi? Je t'avais envoyé un message pour te dire que j'avais un truc à te dire en fait. Ah, est-ce ouais, je l'ai reçu, mais j'ai pas pu car j'étais occupée. J'étais en cours. Hein? J'étais en cours, j'ai pas pu répondre. Ah, ouais. Bah, en fait, tu sais que je suis en stage à la patinoire. Ah, ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui me donnent leur numéro. Ouais, tu sais bien que j'aime pas. Je te l'avais dit. Ouais, je te l'avais dit. Ouais. Et je vais te dire un truc qui risque pas trop de te faire plaisir. Parce que je vais te le dire. Hein. Là je suis avec Anaïs, la meuf de dimanche. Tu rigoles? Non, sérieux, non. Tu trouves vraiment ma gueule là? Non. C'est quoi? C'est qu'un vrai bâtard, sérieux. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble. T'es même pas fichu de rester fidèle pendant 5 mois. La meuf, tu la connais depuis quand, s'il te plaît? Depuis dimanche. Ah, donc ça fait plusieurs fois que tu la vois? Non, non, c'est la première, dimanche et aujourd'hui. Ah, ok, d'accord, fois. Merci. Voilà, ouais, ça va, c'est Anaïs, c'est ça? Ouais. Ok. Que je te vois pas avec, hein. Donc là, t'es en train de me dire que tu me lagues, là, c'est ça? Ça ouais, un peu, un peu le mytho quand même. Je suis mieux avec, en fait. Ah, t'es mieux avec, ok. Sympa. Mais t'es quoi, t'es qu'un gros bâtard, t'es qu'un gros connard. C'est vraiment qu'un bâtard, sérieux. Je rentre de chez moi, je me fais déjà engueuler par mes parents quand je rentre tard de l'école. Et qu'est-ce que tu m'annonces là? Tu me dis que c'est fini. Ouais. Je suis vraiment désappointé. Putain, je te mets à toi, t'as rien d'autre à dire que tu me lâches pour une meuf que tu vois pendant un jour. Ouais, mais elle est plus belle que toi aussi. Bébé. Plus belle que moi, elle est plus belle que moi. Tu touches de ma gueule là. Bébé. Non, sérieux. Non, mais c'est qui la meuf derrière là? Attends deux secondes. Attends, tu vas pas. Attends, t'es avec elle là, tu rigoles? Non, je suis chez elle. Je finis à 22h aujourd'hui. Ah, t'es chez elle? Ah ouais, ok, complètement. Bébé. Ben voilà, ok. Eh, dis-lui fermer sa gueule. Eh, dis-lui fermer sa gueule, cette grosse putain, tu vas voir que je la croise. C'est quoi son nom de famille? C'est quoi son numéro, cette grosse pute? Chérie, j'arrive pas à faire fonctionner le téléphone que tu m'as acheté. Putain, je vais défoncer. Dis-moi son numéro, putain, merde. Chérie, non. Je te parle. C'est quoi son numéro? Non, je te dis putain, pas mais c'est quoi là? Non, mais c'est quoi? T'es qu'un gros bâtard là. Tu m'appelles, tu pourrais me le dire au moins sympa et tout, en face et tout. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me le dis au téléphone et en plus, il y a cette pute derrière. Tu te fais vraiment de ma gueule ou quoi? Ah, tu préfères que je te le dise? Non, mais non, ferme ta gueule. Non, tu fermes ta gueule, y a rien d'autre. Eh, chérie, regarde, je vais faire un triple Axel. Non, mais c'est. Eh, t'es une pute ou quoi la meuf? Elle m'entend ou quoi là? Elle m'entend? Bon, c'est ouais, qui là? T'entends, ouais, c'est allô? Ça. Passe-la-moi, ah bon, ouais, salut. Salut, ouais, qu'est-ce que tu fais avec mon mec, toi? Bah, c'est alors, mon mec. Alors, tu l'as bien chauffé. Eh ben, que je te croise, t'inquiète pas, là, je peux te dire que t'es morte, cette putain. Je peux te dire que t'as plus de gueule, ma fille. Je peux te dire, même que t'es plus belle que moi, que t'es plus grande. T'inquiète pas, je vais te défoncer, sale grosse putain. Vas-y, repasse-moi l'autre fils de pute. Donne ton numéro et donne ton adresse, tu vas voir. Je peux pas, tu me laisses pas parler. Non, je me laisse pas parler. En même temps, c'est normal, il vient de me larguer pour une pute comme toi. Tu rigoles, là? Donc, c'est vraiment de ma gueule. Tu l'as chauffé, quoi, cette putain, va? Bah oui, c'est comme ça qu'on fait pour serrer un mec. Ah non, tu devrais savoir qu'il était pris, s'il te plaît. Il est pris par moi, ça fait 5 mois qu'on s'en sort, je te signale. Bah non, je savais pas, tu vois. Ah non, je savais pas, il te l'a pas dit par hasard, non? Bah, je pouvais pas le savoir, car dimanche, j'étais en allant à la patinoire, il m'a pas dit qu'il avait une copine. Non, à peine, il te l'a pas dit, tu fous de ma gueule, là. Bah, je suis vraiment désappointée. Vas-y, y'a pas moyen qu'on se voit quelque part, là? Bah pourquoi? Demain, y'a pas moyen? Ah bah non, tu vas me taper. Ah bah attends, t'as peur ou quoi? Ah bah oui. Bah attends, je vais chauffer ton père, tu vas pas faire la même chose, non? Eh, laisse mon père tranquille, parce que là, par contre, on va te mettre deux tartes dans ta tronche. Tu vas voir ton père, il a trompé ta mère, tu vois, je l'ai su, ça, tu vois. Là, je vais aller baiser ton père, tu vas voir ce que tu vas dire. Bon, bah, je vais te filer le numéro de mon daron directement, ah, alors. Ah ben vas-y, passe-le, t'inquiète pas, je vais l'appeler, t'inquiète pas. Ok, 06. Non, mais toi, j'ai pas tapé sur moi, tu vois. Allez, s'il te plaît, là, repasse-moi Sofiane, tu vas voir ce que j'ai. Repasse-le, moi, je te dis. Bon, t'es un peu trop vulgaire pour moi, je vais raccrocher. Ah, y'a pas de vulgarité, terminé, l'affaire est pliée. Oh, qu'est-ce qu'elle parle? Non mais oh Sofiane, c'est sur Alice, un moulin à parole ta meuf. Et puis elle est vraiment vulgo, hein, c'est un peu. Ah, et en coup, plus hein, d'une vulgarité. Et fasse attention à qui elle s'adresse quand même. C'est ça, hein. Parce que. Ah bon, bah ouais. Ouais. En fait, j'avais dit qu'elle allait s'énerver vraiment, quoi. Oui. Elle parle très mal. Ouais. Bon, on la rappelle, Sofiane, dans 3 minutes, d'accord? Le temps de qu'elle se calme, quoi. De la pub. Ok, ouais, aussi, oui. Okay. Compris comment ça marche, la radio. Hein. Allez, on revient dans 3 minutes, bougez pas de là. Et bah, ça y est, vous pouvez vous inscrire maintenant hein, pour choper les places, les dernières pour cette semaine, pour le concert privé de Tokyo Hotel avec énergie. 612, débutez votre SMS par Mickaël, puis vous mettez TH et votre numéro de téléphone. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Mickaël. Parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi. 21h minuit. C'est sympa. C'est comme ça l'Italie. Et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Bah oui, bah c'est comme ça. D'ailleurs, ça m'inquiète. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu Silvio au téléphone depuis ces histoires-là. J'ai peur qu'il soit en prison. Mais il se calme un peu là en ce moment. Hein, parce qu'il y a des petits problèmes avec. Avec la justice. Ouais, avec la justice. Ouais, il peut pas parler de ses affaires en plus. Ah ouais, d'accord. Enfin, comme ça aurait c'est été bien. Justice, hein. C'est en cours, ouais. Une petite exclue aurait été pas mal. Nikos, toi qui connais tout le monde, tu peux pas nous la voir plus vite là? Salut les loups. On a eu Kofi Annan dans le 6-9 il y a pas très longtemps. On va essayer d'avoir. Ouais, non, mais d'accord. Mais Monsieur Panzani. Berlusconi, Nikos. Ouais. Donc c'est possible? Tout est possible avec moi, loup. D'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. Merci Nikos. À tout à l'heure hein, pour l'Ardif. Hein. À tout à l'heure les loups. Oh, vous avez un iPhone aussi, Nikos? Ouais, c'est un iPhone grec. Je peux le ranger qu'à un endroit particulier. Nous reparlerons bisoutage tout à l'heure. Bisoutage. Bon, allez, Sofiane, on rappelle ta copine qui avait l'air relativement énervée. Hein, mais par contre, ce qui est bien avec elle, c'est qu'on n'a rien à faire. On a rien à dire. Tu sais quoi, je vais juste dire allô, puis je vais te la passer. Hein. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Allô. Et Micha qui se plaint. Micha qui dit réponse aux auditeurs. Non, j'ai pas le temps. Allô? Oui, ne quitte pas. Qu'est-ce que tu me rappelles? Bah, je te rappelle, normal quoi. Non, il n'y a pas de normal. Qu'est-ce que tu me rappelles? On n'a plus rien à se dire, est-ce que je sache, non? C'était juste pour te reparler, vas-y. Pour vous parler, tu veux qu'on reste amis ou quoi? Ouais, au moins, ouais. Non, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis, t'es qu'un gros bâtard. Tu t'as vraiment ton père, toi, sérieux, hein? T'es qu'un vraiment, t'es qu'un bâtard, ouais. C'est quoi, j'ai vraiment plus de mots pour dire ça. J'ai vraiment plus de mots, tu me dégoûtes, sérieux. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Non, franchement, non. C'est bien les sentiments comme ça maintenant. Ils sont embrouillés après. Déjà, pourquoi tu parles comme ça à ma nouvelle copine, toi? T'as pas vu ce que tu viens de me dire, là? Attends, tu rigoles, là, à ta nouvelle copine. La meuf, ça fait 3 jours que tu la connais. C'est bon, c'est ta copine, c'est ta winner et tout. Tu m'as pris pour qui, là? Eh, tu m'as pris pour ta chienne ou quoi? Eh, tu m'as vraiment pris pour ta chienne et que je te croise pas, dans Valenciennes avec, hein. D'habitude, je te croise toujours dans le tram et tout, bébé et tout. Qu'est-ce mais t'inquiète pas, relou. Là, ça sera plus bébé, ça sera mon poids dans ta gueule et dans ta gueule aussi, t'inquiète pas. Et elle m'a dit, qu'elle t'avait chopé. Sofiane. Ouais. Sofiane, ah bah quand même. T'as avec qui au téléphone là, parce que tu entends que dans la pièce à côté, hein. Non, avec mon mec. Ah, oh, dis-lui qu'elle avait envahieuse, hein, parce que ça va, c'est relou là, quand même. Hein. Mais j'ai fermé sa gueule, lui, il est pris le machin. Non, parce que franchement, c'est relou. C'est qui au téléphone, tu m'as dit? Mon ex. C'est ton ex. Et comment elle s'appelle? Ça va, comment elle s'appelle? Céline. Attends, parce que. Je vais ta pire ennemie, mon vieux, je vais ta pire ennemie, t'inquiète. Eh, cocotte. Ouais, quoi, cocotte, y'a pas de cocotte, tu me connais pas, t'es frais, toi. Bah, toi non plus, alors arrête de crier, tu m'empêches de dormir. Eh, tu sais quoi, tu m'as réveillé là. Ouais, je t'ai réveillé. Et quand je suis réveillé, je suis de mauvaise humeur. Ah ben moi aussi, je suis très de mauvaise humeur. Tiens, on est deux comme ça. Eh ben tant mieux. Bon, tu vas d'abord apprendre à parler français aussi, hein. Parce que même en étant. Je parle très bien français, t'inquiète pas, je parle. Ah ben ça s'entend mal. Tout ce que j'entends, c'est des insultes et des insultes et des insultes et des insultes. C'est incroyable ça. Ah ben attends, s'il te plaît, comment veux-tu que je traite? T'aimerais que je sache, t'aimerais pas que ta meuf te trompe, non? J'ai rien compris. Ouais, bah c'est ça. Va te boucher les oreilles, s'il te plaît. C'est matin et soir, je sais pas si tu sais. J'ai rien compris. Ouais, c'est ça. Et passe-moi, Sofiane, on va pas se parler. C'est pas avec toi que je dois parler, tu vois. Bon, ça va, Michel, tu vois, elle est un peu dominante, hein, tout ce que t'aimes. Ah oui, je sais, ouais, mais enfin, elle est un peu chiante, même. Hein. Ah oui, elle est trop chiante. Ouais, vous êtes relou, quoi, les mecs. C'est qu'est-ce que ça dit? Enlève tes frites. Et ferme ta gueule, toi, tu me parles comme ça. T'es frais, toi, tu me connais pas, ça se voit. Il rigole. Attends, calme. Ça va, et enlève tes frites. Mentalité. T'as quel âge, s'il te plaît? On la ferme. Des gamins, des gros gamins. Oh, Ernest, je te la passe. Allô? Pourquoi tu parles autant? Il fait marre. Hey, tu fais rigoler ou quoi? T'es censé faire rire là? Ah ben, on dirait Vanessa Secret Story! Eh, c'est à l'autre première, d'où tu me parles comme ça, va? T'es frais toi, d'où tu me parles comme ça? Non, mais je comprends pas, je peux pas parler avec elle. Et non, elle rigole passe surtout. Passe-moi Sofiane, j'ai pas parlé, passe-moi Sofiane! Eh, Josiane! Passe-moi Sofiane, je te dis! Eh, Josiane! Oh oui, je te dis! Eh, Josiane! Alors, je t'ai dit Sofiane, enfin ta gueule! Non, mais tu toi, Josiane! Sofiane et tu sais! Ah putain, c'est... si tu pouvais le faire aussi, te taire, ça serait super. Ouais, y'a pas de truc comme ça, tu me passes au tien, on l'a au cas qu'on s'en va se régler, je parie. Hein non quoi on l'a au cas. Eh, je vais me tirer une balle. Ah, mais t'as une patate dans la bouche en fait, enlève-la pour parler. Tire-toi pas chier, tire-toi là, allez. Tire-toi là. On l'a au cas qu'on s'en régler là, on l'a au cas qu'on s'en régler. Par contre, je suis fatigué. Sofiane, il doit pas broncher avec elle. Si je peux me permettre juste une petite remarque en français, on dit on n'a pas de compte à régler ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, bah oui, c'est ça que j'ai dit, mais je suis tellement sur les boules de nerfs, parce que tu me fais chier là. Je suis tellement sur les boules de nerfs. On dirait vraiment Vanessa de Secret Story. Ouais, si c'est pas elle, c'est sa sœur. Ouais. Bon, Sofiane. Ouais. Mec, t'as un courage. Bravo. Franchement, félicitations. Hey, franchement. Ouais, t'es frais, toi. Hey, tu me connais pas. Hey, non, mais là, franchement, on te connaît pas. Mais je crois qu'on préfère. Hein. Ouais, t'es frais, toi. Sofiane. Oui. Donc, je disais, t'as un putain de courage, mec. Bah, allez, comme ça, ça m'en rapporte. Putain de courage, putain de courage. Eh, Sofiane, ferme ta gueule, d'où tu me parles comme ça? Eh, hey, elle me connaît pas, ça fait 5 mois, mon vieux. Eh, hey, ma chère, ça fait 5 mois. T'es fraîche, toi. Mais t'es fraîche, bah c'est toi qui te trompes, s'il vous plaît, moi je chauffe pas tous les meufs, mais parle plus doucement, t'arriveras à mettre les mots l'un devant l'autre. Hey, Sofiane. Ouais. Putain, 5 mois, t'as du courage, mon pote. T'as dû prendre 2 ans physiquement. Hein? Physiquement, t'as dû prendre 2 ans. Ah ouais. T'as pas des cheveux blancs déjà là? C'est un peu. Quoi, les cheveux blancs? Vous vous amusez bien, bah je vais me casser là, vous vous amusez très bien. Alléluia, bravo! Enfin! Ça fait plaisir! Non, c'est vrai que je vais vous faire chier, je vous Ça fait plaisir! Ferme ta gueule! Je vais pas te faire plaisir, hein! Oh, t'es frais! Ah, ben, tu sais quoi, je vais pas te faire plaisir, je vais rester. Non mais tu sais, si c'est que ça, on peut raccrocher nous-mêmes. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, raccroche, t'as t'es frais, toi. Non, dis t'es fraîche, déjà, s'il te plaît. Oui, fraîche. C'est pas vrai, tu connais la langue française. Elle est pointilleuse. Ah, ça connaît, je l'étude, t'inquiète pas. On l'étude. Je l'étude. Ouais. On espère que t'arriveras à étudier d'ici la fin de ta vie. Hein. Bon, Sofiane. Ouais. Allez, dis-lui, parce que là, j'en peux plus, là. J'ai une tête, mec. Et tu l'appelles mon cœur. Bah, je vais te dire, en fait, c'est une blague. On est sur l'énergie. Tu rigoles. Non, c'est ça, voilà. Bah, t'es frais. De toute façon, je préfère l'autre radio. Là, je te crois pas. Si, c'est la radio qui m'appelle. Bah, si tu crois pas, non, rigole pas avant, parce que là, ça va. C'est bizarre. Non, mais je rigole sur le coup, tu vois. Fais gaffe, C'est Pipo, ouais, pour moi c'est Pipo. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est quoi, on va confirmer ça, je vais allumer la radio, on verra bien. Oui. Non, mais attends, mais. Non, mais non. Ah, mais on verra, attends, je vois. Non, t'es pas à la radio. Attends. T'es pas à la radio. Vous êtes des bâtards, vous m'avez eu, Pourtant, on s'entend pas à nous. Ouais, c'est ça. Mais le son plus fort. Ah, vous êtes content de casser les coupes déjà. Mais le son plus fort. Non, non, y'a pas. Mais le son plus fort. Attends. C'est bon, tu t'entends là. Non. Non. Là, je m'entends toujours pas. Ouais, et ce qui est dommage, c'est pas que je fais la radio, moi. Et comme tu n'es pas sur Paris, pas. Normalement, il doit y avoir un écho. Ce qui veut dire que tu nous as pris pour des débiles. Mais on a bien rigolé. Hein. Ouais, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais je vois ça que vous avez bien rigolé. On hein. a quand même bien rigolé. Hein. C'est nul. Oh là là là. Oh non. Quoi? Je rattrape le dos, quoi. Ah ouais. Bon, je te repasse, Micha, la vérification des auditeurs. Mais oui, mais enfin, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas savoir, hein? Ça sent le pipeau, Micha. Mais je pense aussi. Ouais. Non, t'entends plus. Merde. Bon, Sofiane et Céline, je te repasse, je vous repasse chez Micha. Et oh, Micha qui parle avec son petit casque. Mais on dirait une vraie secrétaire. Il est mignon avec son petit casque. Un vrai téléphoniste. Oui, je prends le dossier tout de suite. Un téléphoniste. Oui, enfin, réceptionniste, téléphoniste. Oh, tu vas pas faire chier, toi, t'es frais, toi. On dit le téléphoniste. On dit le téléphoniste. Tu prends ton téléphoniste. Eh. Attends, c'est pour aller avec itinériste. Fais gaffe, toi, le pinard. Va. Commence pas à rigoler, sinon dimanche, pas de best-of. Le pinard. C'est Pedro, du Mexicain. Non, mais c'est vrai, ça. Non, mais c'était une vanne, tout le monde rigole. Ça se dit un téléphoniste. Mais oui, ça se dit un téléphoniste, y'a que chez vous que ça se dit pas. Attends, on va aller voir dans le dictionnaire parce que là. Vas-y, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, le pinard? En fait, il dit qu'un coiffeur chez vous, c'est un cheveliste. Non, par contre, c'est pas avec mon portable que tu vas le dédictionner. Bah, t'as pas non, dédictionner. T'as pas internet? Bah, ça coûtait cher. Ah merde! Il a pris l'iPhone sans internet, si tu penses. C'est trop cher, alors, sinon. Bon, on va revenir. On saura pas pour le téléphoniste. On va revenir. Mais non, ça se dit. Mais si, ça se dit roux. Ça se dit. Un réceptionniste, d'accord. Oui, enfin, je suis téléphoniste. D'accord. Attention, ne mélange pas tout. Un mec qui, effectivement, ou une meuf qui est à l'accueil d'un genre la personne qui est ici, c'est effectivement une réceptionniste. Mais les gens. Les gens qui sont par exemple au 118 bon, tu et sais qui font quoi, que ça, ce sont des téléphonistes. Non, ils te l'ont dit eux-mêmes. Fais comme hier, mêle les auditeurs dans l'embrouille et demande-leur s'ils connaissent les téléphonistes. Eh bien, très bien. Eh ben d'accord. Eh ben voilà. Il n'y a personne qui te soutient sur le chat peut-être. Bon, non, dites-nous. C'est des conseillères. Dites-nous, je ne leur ai pas encore demandé. Donc dites-nous, 612, débutez le message par Mickaël. Dites-nous si vous avez déjà entendu ce mot, donc téléphoniste. Et pas d'un et pote roux, qui était bourré. Il rigole. Oui, c'est drôle. C'est ça, ouais. Oh, c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Oui. Bon, on revient dans un instant avec le nouveau son des Fall Out Boy et Pitbull. Ce sera Hotel Room Service. Bouge pas. Roux compte ses économies. Il en manque une. Et Mickaël revient juste après ça. Et le son de Pitbull sur Energy Hotel Room Service et un message qui est arrivé qui dit Merde, je l'avais attendu. Ça parle de téléphoniste? Ouais. Non, j'ai jamais entendu ton mot. Un téléphoniste existe bel et bien. C'est une personne chargée du service d'un téléphone. Un standardiste, en d'autres mots. Allez, bonne soirée, c'est Samy. C'est vrai, j'ai jamais entendu le mot. Ce mot existe vraiment. Et c'est vrai, le roux, il parle pas français. Bien sûr que téléphoniste, ça se dit. Mais ça se dit. Le mot existe. Mais tu es sur Belgepédia, là, c'est Est-ce quoi que c'est la bonne définition? L'Académie française. Alors, vas-y, est-ce que c'est la bonne définition? Non, c'est pas la bonne définition. C'est quoi ton dictionnaire, déjà? Attends. Oui, c'est un mot qui se disait, dit-il, un dictionnaire qui date de 1933. Non, c'est pour te dire comment ce mot se disait. Je crois que c'est écrit au début, non? Au début, ouais. Sur les deux premières pages. Ça dépend, l'impression. Mais vu la gueule du Nico, ouais, mec, ouais. Il est vieux, hein, mais très très vieux. Hein. Alors déjà, il y a 40 000 mots. Enfin, il y a écrit 40 000 mots à l'intérieur du bouquin, alors que sur la pochette du bouquin, il y a écrit 37 000. Pas grave. Ils sont en propre, peut-être. Non, bah, il n'y a pas écrit l'année d'édition. Bon, d'accord. Si, bon, 1997. Putain, il paraît beaucoup plus vieux. Hein. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Eh, mais attends, ça fait 12 ans quand même, hein. C'est vrai. On se rend pas compte quand même. Donc en fait, en téléphonie, c'est pas du tout un standardiste. Et c'est pour ça que je vous disais que ça se disait. C'est parce que c'était les gens dont le métier, en fait, était de connecter les câbles. Voilà, d'assurer les liaisons téléphoniques entre les autres. Donc ça se dit. Eh bien, merci Roux. Ça se disait déjà. Donc tu l'as mal employé. Mais ça se dit. Ça se disait, non. Mais en tout cas, pas pour un standardiste. Voilà. J'ai jamais dit que c'était un standardiste. Si, t'as dit que si Michel est un téléphoniste. Oh, j'ai dit, on dirait un téléphoniste. Oui, non, t'as dit. Ah, non. Monsieur Roux, ce n'est pas pareil. Mais un téléphoniste, il n'a pas besoin de casque avec un micro. Il a besoin juste d'un câble et de. Si, elles ont un casque et un micro. Non. Si, elles quand tu vois dans les films américains, elles ont toujours un casque et un micro. Mais ce sont des films. Ah oui, ce sont des films. C'est, alors que c'est moi, je parle du vrai. C'est ça, ouais. Si elle n'a pas de casque, comment est-ce qu'elle entend où est-ce qu'elle doit envoyer le mail? Un micro, un casque et un micro. Ouais, c'est ça, ouais. Elle doit répondre. Oui, je vous mets avec Bagatelle 1335. Excuse-moi, mais ici, on n'a jamais entendu parler de ce mot. Mais t'étais même pas né quand le téléphone portable est sorti, ou. Bien sûr que si, j'avais un Bebop avant vous. Ah oui, c'est sûr, ça n'existait pas chez nous. Tout le monde te dit que c'est pas vrai. Tam-tam. Allez. Passons à autre chose maintenant. Nous sommes donc vendredi, et comme tous les vendredis ou presque, nous allons faire un tour du côté de la planète télé, le pire comme le meilleur de la semaine, analysé par notre équipe de spécialistes que sont Sandro, Routoff et Jack. C'est donc le petit observatoire de la télé. Allez. Les phrases pas encore cultes du PAF, mais qui ne tarderont pas à le devenir, c'est dans le petit observatoire de la télé. C'était Monsieur Pinard. Allez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit classement. J'ai entendu pas mal de trucs drôles et d'autres un petit peu moins drôles. Alors, on va aller dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du pire. Ah, ça tombe bien, j'ai faim. Ouais, du pire vers le meilleur. Hein. Voilà, c'est au niveau de la vanne. C'est pour ça qu'on l'a mise à ce moment-là, parce qu'elle était pas terrible, tu vois. On va aller du pire vers le meilleur. Commençons donc avec le pire. Alors, pour vous, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver à un animateur en télé comme en radio d'ailleurs? Un blanc déjà, c'est, enfin tu sais, que le mec se sente pas bien et qu'il sache pas quoi répondre. Ouais. Il y a de l'absus. Que sa mère se pointe avec des photos de lui quand il était petit. C'est vrai. Moi, le pire truc qui m'est arrivé, c'est d'avoir mal au bide. À l'époque, j'animais, tu sais, je faisais l'arrière, donc j'en faisais. À la diarrhée, oui, la fameuse diarrhée. Et ouais, et à l'époque, évidemment, tu pouvais pas comme aujourd'hui pousser sur un bouton et tout s'enchaîne et voilà, au final, c'est pas grave. Non, à l'époque, il fallait mettre les disques toi-même. Et donc, forcément, ça te laissait 2, 3, 4 minutes grand maximum pour aller aux chiottes. Et c'est très, très compliqué. Ce qui est plus un problème pour toi, puisque maintenant, quand tu as la diarrhée, tu vas avec ton micro aux toilettes directement. Exactement. Tu l'as fait plusieurs fois l'année dernière. Exactement. Ça sera jamais pire que la suédoise qui avait gerbé en pleine émission. Ah, oh, c'est génial. Ah, ouais, c'est vrai que c'était drôle ça. C'est à mourir de rire. Hein. C'était drôle, effectivement. Mais pour moi, le pire, c'est quand aussi le mec essaie de faire une vanne et qu'en fait, elle est pas drôle. Exactement. Pas c'est exactement ce qui s'est passé sur France 2. Monsieur et madame Dico ont fait donc un petit. Bah, justement, Dico. On fait un petit passage à l'antenne pour annoncer que les chiffres et les lettres arrivaient après la pub. Monsieur et Madame Dico. Oui, ce sont les acolytes de Laurent Romeshko. Ah oui, d'accord. Mais comme personne ne sait comment ils s'appellent. Voilà. Bon, bref, donc ils ont fait leur petite bande-annonce en direct et voilà la pauvreté de la vanne. Dans un instant, un match entre deux Michel. Et il ne va pas compter pour du beurre. Beurre de Michel. Oh, c'est chaud! De Michel. Beurre de Michel. Oh, de Michel. Beurre de Michel. Mais attends, voilà. Tu sais que tous les jours, ils trouvent des vannes de merde à faire et ils y arrivent. Ouais. Tous les jours. Effectivement. Bon, enfin, cela dit, je suis assez d'accord avec vous. Hein. J'ai eu la même réaction en voyant ça. C'est. Qu'est-ce que ouais, c'est? Oui, mais là, c'est normal. C'est de l'humour troisième âge. Vous pouvez pas comprendre. Non, c'est vrai. Je suis belge. Moi, je connais que l'humour premier âge. Oh. Bon, c'est dégueulasse. Allez, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on continue. Le numéro 2 dans ma liste, c'est Geneviève de Fontenay. Alors, vous savez qu'elle a été condamnée pour avoir insulté une ancienne Miss France de salope. Ouais, hein. Ouais. Et bien, l'équipe de 50 Minutes Inside est allée lui demander si elle regrettait. Voici la réponse. Alors, ça va vous coûter combien cette affaire, Geneviève? Coupable à jure public, c'est une salope. Et hop, 500 euros. Et ça l'a fait marrer. Partie civile, 1 euro. 500 euros, vous trouvez ça cher? Bah non, j'estime que ça lui valait. 500 euros pour insulter quelqu'un de salope, moi je trouve ça cher. Ouais. Ouais, bah au moins on sait ce qu'elle cache sous son chapeau maintenant, hein, des grosses liasses de billets. Allez, avant-dernier de mon classement, alors j'ai beaucoup hésité entre lui et Geneviève de Fontenay, mais entre la jeunesse et la vieillesse, mon cœur évidemment a balancé du côté du naturel et de la spontanéité. C'est un petit garçon qui participait avec ses parents à Attention à la marche, et quand Jean-Luc Reichmann tape un peu la discute avec lui, bah forcément les parents regrettent de l'avoir amené. Hein. T'as bien travaillé? Ouais, ça fait du bonhomme. Ah, ok, d'accord, très bien, très bien. Oh, oh, ok, t'as une petite amie, toi? Ouais. Ah, tu peux m'en parler? Ouais. Ça s'appelle comment? Mathias. C'est le plus jeune coming out de l'histoire de l'homosexualité. Surtout que ses parents vont le changer d'école dès lundi. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, ils savent tout de suite qu'il va falloir faire un autre, quoi. Les grands-parents. Ah, s'il va les grands-parents, ouais. Bon, comme je vous le disais donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça s'est passé mercredi soir dans le 19-20 de France 3. Le journaliste, donc Laurent Bignola, reçoit Albert Dupontel, qui est en duplex depuis Beauvais et qui vient parler de son nouveau film, Vilain. Et donc, il commence son interview. Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film, je le regrette, mais je peux vous dire que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, et en bien. Alors comme ça, vous êtes vilain dans ce film, et est-ce que ce ne serait pas par hasard un tout petit peu, je veux dire, un poil autobiographique ? Non, pas du tout, non. C'est pas mal. Voilà. Ah, ça va être une bonne galère pour lui là. Voilà. La violence. Donc le journaliste commence à être un peu déconcerté et déconcentré aussi d'ailleurs. Mais comme il est en direct à l'antenne, hop, il enchaîne et il pose sa deuxième question. Bon, donc ce qui veut dire que vous êtes investi dans un rôle qui vous plaisait de créer en fait ce vilain. C'est quelle est l'origine de cette histoire que vous mettez à l'écran aujourd'hui? J'ai envie de faire un film avec Catherine Froh. D'accord. Ça va être dur. Bon, alors évidemment là il se rend compte qu'il va avoir du mal à aller jusqu'au bout de son interview, mais comme il est professionnel, il ne se laisse pas démonter. Allez, on continue. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire, j'allais dire, pour être et le partenaire devant la caméra et en même temps le réalisateur, donc derrière la caméra? Ça devait être un boulot de dingue, non? Non, en étant payé, tout simplement. Pardon? En étant payé, tout simplement. Ah, c'est ça qui est motivant? Il n'y avait pas une envie artistique, de création Non, moi je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas, si vous voyez pas les films. Boum! Voilà. Et bim! Prends ça dans ta gueule! Ouais, donc là, on comprend mieux pourquoi il réagit comme ça, Dupontel. Alors, il est vénère que Laurent Bignola, donc le journaliste, n'ait pas vu son film. Et donc le journaliste commence à se justifier, il s'excuse à nouveau, et là ça part en live. Ben non, j'ai pas vu le film, je vous ai dit, parce que je vous en ai demandé pardon publiquement. Tout simplement parce que j'ai un métier, justement, moi aussi. Moi aussi, j'en ai un. Dupontel, et voilà, qui n'est pas de faire aussi, du cinéma. Moi aussi, je fais des films. Et voilà. Mais et non, mais c'est le boulot de voir les films avant d'inviter les gens. Très bien, voilà. Oui. Je vous remercie, je vous remercie infiniment votre accueil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ben, bonne soirée à vous aussi, et merci de nous donner l'occasion de vous avoir salué très très rapidement. Voilà. Putain, il s'est barré, quoi. Donc du coup, Laurent Bignola se retrouve seul à l'antenne en direct. Alors il lui reste plusieurs minutes à combler, évidemment. Ah, ouais. Alors il sait pas trop quoi faire. Et puis la petite voix dans l'oreillette lui dit de lancer un autre sujet et écouter le mot qu'il place, qui passe presque inaperçu, mais qui tacle Dupontel bien comme il faut. C'est amusant ce qui peut se passer sur un plateau de télévision. Et nous, nous allons nous quitter là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, alors, puisque M. Dupontel a eu la gentillesse de nous laisser du temps pour nous intéresser à des vrais sujets, eh bien, je vais vous parler du monde. Voilà, à des vrais sujets. J'ai entendu le film de Dupontel, c'était pas un vrai sujet. Voilà. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est comment Dupontel est resté courtois, tu sais, malgré que l'autre plante à l'antenne direct comme une merde. Non, mais c'est vrai. Ouais. Le mec est resté courtois avec Dupontel, quoi. Oui. Mais en plus, Dupontel, il a abusé, tu sais, il dit qu'il méritait pas son salaire, alors que bon, tu sais, le mec, il s'est tout de suite excusé au début. Ouais, c'est vrai. Il a pas fait semblant. Ouais, en même temps, c'est vrai, ça se fait pas d'interviewer un acteur alors qu'on a pas vu son film. Oui, c'est clair, nous, ça nous viendra jamais à l'idée. Oh bah non, c'est pas le champ de la maison. Jamais. Ouais, on a vu aucun film. En tout cas, pour la petite histoire, le journaliste, donc Laurent Bignola, a déclaré hors antenne pour sa défense: j'avais prévenu son attaché de presse et sa productrice, que je n'avais pas eu le temps de voir le film. J'avais demandé un DVD qui ne m'est pas parvenu. Ah oui. Albert Dupontel était censé être au courant. Il n'était pas question pour moi de faire semblant. Ne pas avoir vu son film n'empêche pas de s'y intéresser, de poser des questions. On lui offre une tribune, il fait la gueule, cela risque de se retourner contre lui. Je suis assez d'accord, cela dit. Moi aussi, je trouve que c'est abusé, l'acteur à qui se vénère. Ouais, c'est parce qu'en fait, le mec Dupontel, pour la peine, tu vois, c'était juste il s'est senti agressé lui-même et il s'en bat les couilles des gens qui regardent son film et qui se posent des questions justement par rapport à comment il a fait son film. Non, mais en même temps, c'est normal que les mecs ils gueulent un peu. Non mais bien sûr, mais bah, après c'est normal qu'à partir du moment où tu l'invites pour lui poser des questions sur un truc, si lui te relance sur quelque chose et que ça fasse un bide, au bout d'un moment, il y a pas d'échange. Je suis d'accord. Après, je sais pas pour lui si c'était le cas ou pas, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pour faire de la promo pour que les gens aillent voir son film. Voilà. Alors que là, j'irai pas le voir, par exemple, tu vois. Donc tu vois le présentateur il a pas vu le film pour le coup c'est une émission spéciale. Ouais non, c'est, non c'est dans le c'est un sujet parmi 19, tant d'autres. Ouais. C'est en 19, des fois c'est vrai que nous il y a des gens qu'on n'a pas forcément invités qui viennent quand même dans l'émission et pour le coup on n'a pas vu le film ou on n'a pas écouté l'album Ah oui, bien sûr, on va pas bien nous forcer sûr. À le faire parce que c'est pas le but premier. En tout cas, moi, je suis déçu, on n'a rien eu sur Michel Simès. Oui, c'est vrai. Il y avait bien un petit truc, mais c'était tellement pourri que je pouvais même pas le mettre avant la vanne de monsieur et madame Dicou. Ouais, on le retrouvera la semaine prochaine, c'est sûr. Bah oui, voilà, exactement. Bon, c'en est fini de ce petit observatoire de la télé. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux clashs en direct et de nouvelles vannes plus drôles. C'était le petit observatoire de la télé française. Voilà, on est en retard. Très en retard. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas bien grave. Allez hop, on fait un tour complet de l'actu en quelques minutes. L'essentiel à savoir de ce vendredi 16 octobre 2009. C'est dans le Mac du jour et c'est le dossier de la semaine. La justice refuse la conception post-mortem. Une femme de 39 ans souhaitait récupérer le sperme congelé de son mari décédé en vue d'une insémination, je vais y arriver, mais elle en a été interdite par le tribunal. Ça fait trois dans le dos. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Non, Sandro, à mon avis, c'est pas dans le dos qu'elle voulait se mettre le sperme. Ouais, t'imagines, ton mari meurt et toi tu conçois un enfant avec son sperme congelé. Comment tu vas lui dire ça au gosse quand il sera grand? Ouais. Putain, ça doit être dur à avaler quand même. Oui, je te confirme, le sperme congelé c'est dur à avaler. Oh, c'est dégueulasse. En plus, elle mange un petit yaourt blanc. Oh. C'est dégueulasse. Allez, politique. En 2008, Nicolas Sarkozy avait promis de sauver la Syrie ArcelorMittal à Grandange et d'y revenir un an après. À Grandange. Qu'est-ce que j'ai dit? À Gandrange. Grandange. Gandrange. Ah, Gandrange, pardon. Et d'y revenir un an après, mais la semaine dernière, le président avait été vivement critiqué pour s'être déplacé dans la région sans s'y arrêter. L'oubli est donc réparé. Il s'y est rendu hier et a même décliné une série d'annonces. Oui, il a promis que les actionnaires d'ArcelorMittal allaient bientôt élire au suffrage universel son propre fils, Jean Sarkozy, à la présidence du groupe. Bien sûr. Évidemment. C'est bizarre, cette semaine, on n'a pas du tout parlé du 25e suicide de France Télécom. Bah oui, mais en même temps, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Ah si, si, à part que le fait que France Télécom devrait bientôt remplacer la Livebox, par la Deathbox. Allez, on passe au con du jour. C'est le moment de voir si c'est encore un Indien. Je rappelle que l'un des la nationalité la mieux représentée de cette rubrique. Qui est-ce qui veut nous présenter un con aujourd'hui? Oh, bah, moi, si tu veux, hein, puisque du jour est américain, il vient du Texas, hein, mais on ne sait pas grand chose sur lui, juste que c'est un homme, il a 21 ans et il a été accusé de vol et de conduite en état d'ivresse. Bon, en tout cas, il a eu de la chance, il aurait pu être condamné à mort vu qu'on est au Texas. Mais il a fait quoi? Il a volé une vache, des chevaux, je sais pas. Non, mon con était dans un bar, jusque-là rien d'extraordinaire. Mon con boit, il boit beaucoup, énormément. Et au même moment, il y a quelqu'un qui a appelé les urgences. Et c'était le con ou il les a appelés pour s'amuser? Ah non, rien à voir en fait. Notre con picole et continue à picoler. Et puis il sort du bar, il veut rentrer chez lui. Et là, mon con a une idée aussi conne que lui. Il décide de rentrer avec l'ambulance qu'on vient d'appeler. Qu'est-ce qu'il est con. Ah mais c'est pas fini en fait. Donc la police va pour l'arrêter. Mais notre con ne s'arrête pas. Et après une course-poursuite, la police l'arrête enfin. Et il leur prend la tête parce qu'il est persuadé que c'est son seul moyen pour rentrer chez lui. Donc du coup, il veut rester avec l'ambulance. Bah, très bien, parfait. Bon bah qu'on peut valider, hein. Ouais. Il aurait quand même pu finir sur la chaise électrique, faut se méfier quand même. Hein. Pour une ambulance. Oh, tu sais, au Texas, on sait jamais. Hein. Allez, sport maintenant, après la trêve internationale, la Ligue 1 revient ce week-end. L'OM qui affrontera Nancy demain à 19h reste sur 3 défaites et Didier Deschamps n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Mais à mon avis, pour sauver l'OM, la seule bonne formule, c'est un tiers de Cristiano Ronaldo, un tiers de Messi et un tiers de Ribéry. Oh non, pas un tiers de Ribéry, il va plus rien lui rester, le pauvre. Allez, vous ne connaissez sûrement pas ce sport, puisqu'on reste dans le sport. C'est une nouvelle discipline, il s'agit du chess boxing. C'est un sport qui mélange les échecs et la boxe. Alors, l'idée vient du dessinateur de bande dessinée Enki Bilal, et ça a été repris par Jep Rubing. C'est un Hollandais, qui l'a inventé en 2003. Et la semaine dernière, il y a eu un tournoi de chess boxing. Les deux grands champions se sont affrontés. L'Italien Gianluca Il Dottore Circi. Cersei, j'imagine. Hein. Contre l'anglais Andy The Rock Costello. Voilà, malgré la supériorité de l'anglais sur le ring, c'est l'italien qui a emporté le match par un échec et mat. Et en exclu ce soir, on a le seul français qui a participé à ce championnat. C'est monsieur Lafleur, monsieur Michel Lafleur, dit le jardinier. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Comment ça se... Vous avez un téléphone très très très mauvais, monsieur Lafleur. Comment ça se passe, un championnat de chess boxing? Alors, c'est assez simple. C'est une discipline qui s'effectue en plusieurs rondes, composée de 4 minutes d'échecs rapides, puis 3 minutes de boxe avant de revenir à la partie d'échecs. D'accord. Voilà, il y a une minute de pause qui est autorisée entre chaque ronde pour permettre aux combattants de retirer leurs gants. Ouais. Et la compétition peut s'achever soit par un KO, ou soit par un échec et mat, ou alors une décision du juge. Bah, c'est quand même vraiment, c'est vraiment bizarre comme sport. Hein. Vous êtes le seul Français à participer à ce genre de compétition. Ouais. Pourquoi vous avez été disqualifié? Bah, à un moment, j'étais tellement pris par le match que je lui ai mis une droite en plein jeu d'échecs, quoi. Et après, je lui ai enfoncé mon roi dans la gueule et je lui ai mis mon fou dans le cul en hurlant échec et mat sur le ring. Oui, alors c'est vrai que mélanger deux disciplines aussi éloignées, c'est pas facile à gérer psychologiquement. Merci, monsieur le jardinier. Ouais. Mais passez à la salle pour vous entraîner, hein, Mickaël. Je sens que vous en avez besoin. Non, je suis contre la violence, mais merci pour l'invitation. Non. Je parlais de vous entraîner les neurones avec les échecs. Ah, très bien. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Oui, c'est ça. Oui. Bon, allez, passons au petit truc du jour avec le quiz. Avant le quiz, pardon, des citations. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, là, je raconte de la merde, mais tout va bien. On n'est pas pressé. Oui, effectivement. Le petit truc du jour, mais que je n'ai pas, d'ailleurs, effectivement. Le petit truc du jour demain. Non, lundi. Ouais, enfin, lundi, façon de parler. C'était ça le petit truc du jour, c'était l'enfume pour voir si vous avez gagné quelque chose. Ah, bien, ouais. Ah. Qu'est-ce que t'es fort. Allez. On fait le quiz. Qui a dit je trouve les films porno japonais tordus? Katsuni? Jacques Chirac. Non. Rocco Siffredi. Non. Les films porno japonais? Oui. Lady Gaga? Non. Un chinois? Non. Brice Hortefeux? Non. Allez, petit indice en français, va te faire foutre. Lily Allen. Lily Allen, bonne réponse. Oui, fuck you. Lily Allen a 22 ans. Lily Allen, donc, avoue qu'à l'étranger, ce qu'elle regarde le plus à la télévision, ce sont les films classés Q, enfin X en l'occurrence. Selon elle, lorsqu'on ne parle pas la langue du pays, les films pornographiques sont les seuls films regardables. C'est pas faux. Qui a dit « Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule » Madonna, c'est mignon comme, comme façon de faire. Geneviève de Fontenay? Non. Elle a vraiment dit ça? Ouais. Il y a vraiment une... Moi, c'est Guy. Ah, Brigitte Fontaine. Bonne réponse sa dernière chanson. Ah oui, c'est que... Voilà. Bon, et puis la petite dernière qui a dit « Tous ceux qui m'ont critiqué, qu'ils viennent me la sucer maintenant. » Maradona. Ouais. Il s'est bien fait penser à Maradona. Exactement. Mais a priori, ça va lui poser quelques petits problèmes. Ouais, grave. Oui, oh, tu sais. Ah, oh, c'est drôle. Oh, il ira pas sur quelques matchs, quoi. Non, ouais, on s'en fout. C'est ça, rien de bien grave. Bon, dans le prochain match du jour, bien sûr, lundi dès 21h. Et puis tout à l'heure, on ira faire un tour chez Jean-Claude, au fucking Blue Boy. Si vous voulez d'ailleurs jouer, il y a des appareils photo numériques probablement à gagner, ou d'autres cadeaux, hein, si vous voulez choisir et jouer. 612, débutez le message par Rémikael, et puis vous mettez JC comme Jean-Claude avec votre numéro de téléphone. Et restez bien là, puisque nous allons, dans un instant, vous balancer le nouveau son des Fall Out Boy. Bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà, nouveau son des Fall Out Boy à l'instant avec Alpha Dog sur NRJ. J'adore, elle est trop bien. Bis à toute l'équipe, c'est Laura du 27. Un message qui est arrivé mais non signé en disant énorme, ben, ça fait plaisir. Trop bon son, franchement ils assurent, merci de l'avoir passé. C'est Océane, juste énorme ce son, merci beaucoup. C'est Matt, j'aime bien le nouveau son des Fall Out Boy. Tu peux mettre un petit Metallica ce soir, c'est Cécile du 5-9. Ah non, pas ce soir j'ai promis à une autre Cécile, décidément c'est la soirée. D'ailleurs déjà une Cécile, Céline pardon. Voilà, c'est la différence. Ah c'est pas la soirée. Non, Céline donc qui m'avait... c'est une Céline qui m'avait rencardé sur le son des Fall Out Boy, d'ailleurs que je remercie. Et donc pour la petite info, donc c'est Fall Out Boy qui sortira en novembre un album best of et deux titres inédits, dont le premier qu'on vient d'écouter avec Alpha Dog, et le single qui lui est prévu au niveau de la sortie dans 10 jours, mais on vous tiendra au jus bien sûr. Et une autre Céline à qui j'ai promis de passer un son qu'elle m'a envoyé ce soir, puisque visiblement elle connaît le groupe, c'est des Français si je ne m'abuse, en tout cas ils chantent en anglais et ils chantent plutôt bien, on les mettra tout à l'heure juste avant le Polo Show. Et là aussi, j'aurai besoin de vous pour bah, voir si, pour avoir vos avis, en fait, tout simplement, pour voir si vous aimez, si vous n'aimez pas tout ça. Ça peut être pas mal. Avant minuit, les places pour Tokyo Hotel, on les fera tomber. Ça, ça c'est sûr. Et puis, on va également faire un tour du côté de chez Jean-Claude, bien sûr, au fucking Blue Boy. Voilà, ça fera plaisir au roux, comme d'habitude, et comme tous les vendredis. J'ai hâte. Dès le vendredi minuit, le roux est pressé d'être au vendredi suivant pour aller au fucking Blue Boy. Oui, j'attends que ça. Oh, tu pourras faire semblant au moins. Ah non, il me fait là déjà. Oui, mais enfin, mieux quoi. Enfin, je sais pas. Mais toute la semaine, le roux se masturbe en pensant à Jean-Claude. Bah oui, mais ça, j'imagine, évidemment. Bon, et autre chose sur lequel le roux se masturbe, bah, on en parle depuis lundi. Les Belges ont leur semaine spéciale. Ouais, la frite est à l'honneur. Ah, toute cette semaine, donc, c'était une spéciale. Plus belge la vie. Alors, pour ceux qui se demandent, y a-t-il un rapport entre plus belle la vie et plus belge la vie? Oui, forcément. Eh bien, d'un côté, oui, car c'est la semaine du cinéma belge. Cinéma, cinéma, cinéma, allez, tout le monde ensemble. Cinéma, cinéma. Merci les Poulvordes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Bah, hein. Allez louer le film au Vidéoclub. Hein. Oui, bah, bien sûr. Vidéoclub, hein. Ça fait bizarre de dire ça. Hein. Ouais. Non, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est une scène du film C'est arrivé près de chez vous. Le premier film de Benoît Poulvord. Ah, voilà, on parlait de cinéma belge. Ça, c'est un bon film. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français, hein? Bah, c'est le seul. Ouais. Bande de cons. Ouais. Bon, allez, je vais vous faire écouter les sons du film dans quelques instants. Bref, en cette semaine, hommage au cinéma belge, puisque ce sont les 10 ans du film Rosetta, un film belge primé aux Oscars. Nous avons donc décidé de belgiser les séries et films que vous connaissez. Nous avions commencé avec Plus belle la vie, qui s'était transformé en Plus belge la vie. Nous étions ensuite restés dans les séries avec Prison Belge, que vous avez pu entendre au début de l'émission. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails hier soir pour que l'on vous rediffuse la parodie de Sous le soleil, sous la pluie. Sous la pluie. Alors que Caroline attendait son grand frère sur la plage d'Ostende, le quatrième orage de la demi-heure éclatait. Caroline était trempée, mais elle tenait à annoncer la bonne nouvelle à son grand frère. Pendant ce temps, Hervé, lui, avait des problèmes beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qu'elle me fait, bordel, la petite sœur? Et puis prévenir au dernier moment, comme ça. Ah, elle est là-bas. Ouais, ouais, coucou, ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'ai une vie, moi, merde. Je suis contente que tu sois venu, grand frère. Oui, bah ne traîne pas, d'accord? Je suis déjà en retard au bistrot, là. J'ai vraiment quelque chose d'important à te montrer. Oui, bah fais vite, je te dis. Je te signale que je devrais y être depuis 5 minutes. Ça fait déjà 2 demi de retard, là. Tiens, prends-le. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? C'est un test de grossesse. Par contre, je crois que t'as renversé de la bière dessus. Oh non, j'ai juste fait pipi dessus, hein. Ah. Bah ouais, peut-être. Mais alors, c'est tout ce que ça te fait, grand frère? Oui, bah on va pas en faire toute une histoire non plus, hein. Moi aussi, quand je pisse, ça sent la bière. Non, mais c'est pas ça, Hervé. Je suis enceinte. C'est ça que ça veut dire. Mais, ça sent pas le bébé. Alors, ça te fait plaisir, grand frère? Ben oui, oui. Et c'est qui le père, là? Bah, c'est toi? Sous la pluie. Hervé, ah, saura-t-il se relever après cette terrible nouvelle? Si oui, Hervé saura-t-il se relever après la terrible cuite qu'il va prendre pour oublier cette terrible nouvelle? Caroline, va-t-elle arrêter la bière maintenant qu'elle est enceinte de son frère? Vous saurez tout dans un nouvel épisode de la version belge de Sous le soleil. Sous la Bon, ça y est, j'ai récupéré les sons du film, hein, c'est arrivé près de chez vous. Ah. Alors, je préviens pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce film, c'est le premier film de Benoît Poulvord, c'est un film étudiant à la base. Hein. Et en noir et blanc, c'est important. Ouais, et en noir et blanc, ouais. C'est pas la télé qui déconne. C'est même un travail de fin d'études pour savoir. Ouais, en fait, c'était court et c'était tellement bon qu'ils en ont fait une version longue. Et comment t'as fait pour choisir les sons? Parce qu'il y en a 10 000 là. Bah, on va évidemment pas tous mettre, hein. L'histoire du film est simple. Poulvord est un mec qui tue des gens pour récupérer leur argent. Fait rire. Sauf que son personnage est complètement barré à tel point qu'au fil du film, on commence à bien l'aimer en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme son, évidemment? Il y en a tellement. Enfin, tiens, il nous donne le mode d'emploi pour se débarrasser d'un cadavre. Là, je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire laisser le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Ah oui. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein. Donc tu le laisses avec des cailloux, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement. Un homme moyen, comme cette Big Sim 6, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu as pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux, déjà. Oui, les os sont poreux, hein. Il est fou, ce mec. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, tiens, j'ai la scène de... Oh là là, Mamie Tromblot. Ah. Oh, elle est horrible, cette scène. Et Mamie Tromblot, elle s'est fait trompeler, Mamie Tromblot. Ouais, ici c'est un peu particulier. Hein. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de ces dockers. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de ces dockers, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, je vais foutre une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. C'est vraiment une puce dans ce film. C'est dégueulasse. Bon, j'ai aussi son poème préféré, une poésie sans ni queue ni tête, comme Roux. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes. À mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Ça veut rien dire. C'est non, ça ne veut rien c'est dire. C'est un vrai poème en plus. Là. Oui, oui, et la scène que Jack nous rejouait tout à l'heure où Poulvord hurle dans les rues en sortant d'un bar complètement bourré. Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, je sors, je suis, je suis les bas ! Cinéma ! Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de film en film. Je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et d'après moi, cinéma, cinéma. Je suis en train de pisser, ça fait beau. Un baiser, toi qui es brume. Chante Michel Morgan, ses yeux sont charmants, comme disait si bien Jean. Cinéma, allez, dernier cinéma, ça de film en film. Oui. Cinéma. Alors évidemment, ceux qui... Ah oui, il est tombé. Alors pour ceux évidemment qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais vu le film, je vais vous dire, mais ça a l'air nul. Mais en fait, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ah ouais, ouais, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Hein, c'est pas. T'as trouvé comment c'est arrivé près de chez vous ? Ouais, ça va, ouais. Non, c'est soit tu dis, mais c'est de la merde, mais ouais. Comment est-ce possible de regarder ça ? Ou alors tu surkiffes. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Par contre, je suis super déçu, t'as pas mis mon extrait préféré. C'est quoi ? C'est avec la petite la gamine qui rentre chez... Non, la petite gamine qui rentre chez elle. Regarde ça dans 10 ans, cette petite gamine, ce sera des pites comme sa mère. Alors pour la petite anecdote, faut savoir que cette scène-là, elle est tournée justement juste à côté de la maison de chez ma mère. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça et voilà, et j'adore cette scène. Bon, il y a pas que ça quand même dans le cinéma belge. Hier, on parlait de Dikkenek. Oui, bah justement, comme je disais, donc pour ceux qui connaissent pas donc le film, donc c'est arrivé près de chez vous. C'est donc les extraits qu'on vient de mettre. C'est en noir et blanc, c'est avec Paul Ward, son premier film. C'était un travail de fin d'études à l'époque où il était encore à l'école. Donc voilà, comme ça c'est fait. Donc tu parlais de Dikkenek, quoi. Ouais, j'ai réussi à retrouver un des meilleurs moments du film. C'est quand t'as un des personnages principaux en fait qui doit expliquer à sa mère qu'on lui a pris sa voiture. Donc il appelle une cabine téléphonique. Sauf qu'évidemment, bah, c'est un bon belge. Et du coup, t'as l'accent et les expressions qui sont toute la vanne du siècle. Voilà, mais alors, donc Dikkenek, c'est sorti en France, hein, aussi. Oui, France. Voilà, donc vous allez. Oui, voilà. Ça s'appelle Grande Gueule, par contre. Ah, ça s'appelle Grande Gueule ici, d'accord, ok. Dikkenek, Grande Gueule. Et alors, il y a un moment où, écoutez bien l'extrait où il parle d'une boîte à gants. C'est à se pisser dessus. Oh non, Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché le courrier derrière. Qu'est-ce que tu veux faire Non, avec mon veston en cuir dedans, avec les 70 000 balles dedans. Non, je suis écœuré. Non. Ah non, tes lunettes, qu'est-ce que tu veux, ma... Mais non, dans la boîte à gants, hein. Bon, ta gueule reste en voiture, hein. Donc il explique à sa mère que la boîte à gants est restée dans la voiture. Voilà, maintenant que vous avez un peu compris ce que c'était le cinéma belge, donc nous allons vous diffuser en exclusivité notre version du film de Luc Besson, Léon. Oui, voilà. Doit-on expliquer comment on a pu parodier Léon en belge ? Oh, je crois que les gens ont déjà compris de quoi il était question. Voici la bande-annonce d'un film qui n'est sorti qu'à Bruxelles. M6 et Énergie 72 ont le plaisir de vous offrir votre film du vendredi soir, très tard. Un thriller à 90 à l'heure, gonflé d'adrénaline et de pommes de terre. Un cuisinier à gages répondant au nom de Léon, de Bruxelles, prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans. Mais rassurez-vous, il ne lui fera rien d'illégal. Elle est la seule rescapée d'une intoxication alimentaire à la frite frelatée qui a ravagé toute sa famille. Léon de Bruxelles va faire d'elle une nettoyeuse de choc, une nettoyeuse sans pitié avec les taches tenaces, une vraie nettoyeuse de casserole comme on n'en fait plus. Et il lui confiera sa recette de moule à la Hoegaarden. Et alors, Mathilda pourra venger son père. Avec Nathalie Van de Portman, Jean Reno, Gary Oldman et beaucoup, beaucoup de sauce. Ne manquez pas, vendredi soir, très tard, Léon. Bruxelles. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour le cinéma belge. Vous pourrez réécouter toutes nos conneries, tout ce qu'on a fait, bien sûr, sur mikael.fm le plus rapide, rapidement possible. Voilà. Ce sera très rapide. Oui. Voilà, ça c'est. Allez, ça va. Allez, c'est caisse. C'est caisse. Ah, je connaissais pas ça. C'est caisse. Ça veut dire, allez, c'est fait. Ah, d'accord. Voilà, tu pourras le ressentir à l'occasion. Non. Ah, je vais éviter. Dans un dîner mondain. Oui, dans un dîner mondain. Allez, c'est caisse. J'y aille dans un dîner mondain. C'est vrai. Quand il y a un but, on dit aussi c'est caisse. Voilà. On dit c'est caisse. Ouais. Et quand t'es gardien, on dit je suis dans les caisses. Ouais, dans les cages, quoi. Ouais, non. Voilà. Caisse. Ouais, là c'est caisse, mais enfin je veux dire, il a compris quoi. Bon, dans un instant, on ira chez Jean-Claude au fucking Blue Boy. On parlera de tourner manège aussi tout à l'heure, bien entendu, avec ce qui s'est passé ce soir chez Koé. Et puis, bon, on va revenir dans 3 minutes. Ne bougez pas de là. J'ai envie du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, moi j'écoute Michael hein, de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Michael de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Eh oui, exactement. Et d'ailleurs, je voulais annoncer au roux. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait. C'était lundi, hein, quand on s'était tapé dessus oui. dans le bras. Il y a oui. la vidéo qui est sur mikael.fm pour la journée de la douleur. Et ça y est, j'ai le bleu du roux. Ah ouais, putain, t'as mis le temps. En speed, hein. Il est là, on le voit je mal. Je vois rien du tout. Hein. On le voit mal, mais il est là. Bon. Quand je pose dessus, ça fait un petit peu mal, donc c'est un alors bleu. Que le mien est énorme. Oui. Et ce soir, on mettra jeter de la poudre aux yeux et boire à l'œil. Ah bah très bien, vous allez voir ça. Oui, sur le site des phrases, parce que c'est sur... on mettra, voilà. Donc vous verrez ça sur mikael.fm. Mais par contre, les coups qu'on s'était donnés donc lundi pour la journée de la douleur sont déjà dessus. J'ai été le voir, je me suis marré tout seul. Ah ouais. C'était drôle. Ouais. Bah à voir les commentaires, il y a beaucoup de gens que ça fait rire. Allez, on va aller chez Jean-Claude. Maintenant, on va d'abord accueillir Adrien et Sylvain qui sont là. Comment ça va? Salut Michael, salut toute l'équipe. De mal. Salut. Salut Michael, bon, bien viril en plus. Mais oui. Bon, c'est Jean-Claude va adorer. Bah, c'est Jean-Claude effectivement qui va adorer ce genre de candidat. Bon Adrien, t'as 25 ans, t'appelles de d'Angers. Ouais, exactement. Ouais. Et Sylvain. Allez, Lusco, d'ailleurs, on a gagné ce soir. Allez, Lusco. Ah, ouais. Vous avez gagné en Ligue 2 Lusco. Ah, Ligue 2, bah ouais, on a failli passer en Ligue 1, c'est pas content. Bah, vous avez failli, ouais. Mais rassurez-vous, il y a Grenoble qui va revenir. Ah bah ça tombe bien, on adore les chèvres. Y'a pas de problème. Bon, et de l'autre côté, donc Sylvain, 46 ans. Ah oui. Eh oui, qui appelle de Pamiers. Ouais, à côté de Toulouse, on va mettre une rousse au PSG. Allez, Pamiers. Toulouse. À côté. Ah ouais. Pamiers. À côté, allez Toulouse. Et Paris n'a pas d'attaquant ce week-end. Ouais, c'est ça, l'Euro va mal puisque les joueurs du PSG ne viennent pas. Non, c'est ouais, pas ça, c'est pas. Ça lui vient, Pamiers. On regarde les Kleenex. Mec, t'es pas à Toulouse, t'es dans l'Ariège. T'as pas de club, ouais, c'est pour ça que tu supportes le TEF. Je supporte Toulouse, c'est à côté, on est pas loin. On est ouais. T'es à combien de kilomètres? 60. Oh, ça va, ouais, ça va. C'est un autre département. Et puis même, il peut supporter oui, Toulouse, malgré tout. C'est foi. Voilà, et donc pour la petite histoire, donc les attaquants du PSG ne sont pas là. Non, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a 4 attaquants, donc il y a... On s'en rend pas bien compte. Indola. Il y a Erding qui est forfait. O'Haro qui s'est blessé cette semaine, mais il va bien être obligé de le faire jouer. Il y a aussi... Julie va jouer. Jean-Eude. Ah oui. Jean-Eude. Maurice. Et Peggy Luindula. Alors, quasiment tous les... Enfin, en tout cas, O'Haraud et Harding, normalement, ne devaient pas jouer. Donc, il restait que Luyindula et Julie. Sauf que le petit souci qui s'est passé à l'entraînement cette semaine, c'est qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain... Un joueur du Paris Saint-Germain, donc, qui avait 19 ans. C'est son premier entraînement avec les professionnels. Ah oui, oui. En fait, il a... Ah, il était content il était très content. Il était très enthousiaste. Ça n'a pas duré, mais il était content. Dérouillé. En fait, ouais, il a fait un tac par derrière, les deux pieds décollés du sol. Et apparemment, Luyindula a hurlé dans tous les sens parce que vraiment, il a eu très très mal. Et là, il y a donc Camboiré, l'entraîneur du PSG, qui a regardé le jeune et qui a fait dégage. Voilà. Il s'est barré. Et il était content, il fait putain, c'est la première fois que je joue avec les professionnels, j'étais content, c'est je suis ballon. Vraiment désolé. Bah lui, il est fini. Hein. Non, je pense pas, parce que Paris l'a acheté quand même au début de la saison, donc c'est pas pour mettre aux oubliettes. Bon, enfin, Camboiré qui est passé en mode Guéret, hein. Il a dit qu'on touche à mes joueurs, je deviens fou. Ah, ouais. D'accord. Bon, allez, Sylvain et Adrien, on va aller chez Jean-Claude, on va sonner, et puis je vous laisserai dans ses mains expertes. On pourrait parler foot avec Jean-Claude. Aussi, ouais. Allez, on y va. Allez, les bleus d'ailleurs. Allez, les bleus. Non, on vous entend mal, on vous entend bonjour, mal. Bonjour. C'est incroyable comment c'est qu'on vous entend mal alors que vous ouvrez la porte. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais loin sur la gueule. Bonjour mes chéris, toi tu es chaud, comment tu t'appelles? Oui, alors je vous fais les présentations. Il y a Adrien. Très bien, mais quand même. Il y a Adrien et Sylvain. Adrien, 25 ans. Sylvain, 46 ans. Oh là, pour une fois, ce n'est pas de la chair fraîche. T'as du choix cette fois. Oui, on a du vieux macro ce soir. Bon, mes cochons, est-ce que vous connaissez les règles du jeu? On nous les a expliquées, mais tu peux nous les rappeler. Bien sûr, mon chéri. Alors, je vais te les rappeler. Donc, je vais vous poser 3 questions. Pour chaque question, je vais vous donner 4 propositions. Oui, j'ai beaucoup travaillé ce soir, il y a 4 propositions. Voilà. Pour chaque question, pour donner la réponse, vous criez bien fort votre prénom. D'accord? D'accord. Bon, vous êtes prêtes toutes les deux? Oh, je suis prête, monsieur. Bon, allez, mettez-vous nus. C'est plus facile pour répondre aux questions. Fait. C'est déjà fait. Bah, faut que tu te mettes nu aussi, Jean-Claude, alors. Hein. Non, ça fera plaisir en haut. Pas du tout, je garde mon petit string en cuir. Très bien. Alors, première question. Quand a été inventé le premier vibromasseur? A. 1883. B. 1923. C. 1958. Ou D. 1968. Adrien, je t'écoute. 1968. 1968, mais non. Les femmes se mettaient déjà le vibro depuis bien longtemps. Sylvain. Sylvain, je t'écoute. 1923. Et non. Ah là là, c'est dommage, mais non. Les femmes ont commencé à s'enfiler des vibros en 1883. Ah la vache. Et oui, c'était à Manivelle à l'époque. Ah bah purée. Deuxième question. La vache est purée, mec. Alors, quel est le légume réputé le plus aphrodisiaque? A. Le céleri. Bah, le concombre. Hein. B. Le poireau. C. Le concombre. Ou D. L'asperge. Sylvain, je t'écoute. L'asperge. Oui, bravo. Ah oui. Et oui, elle a même été interdite à la consommation au 19e siècle. Et parce que ça excitait trop les femmes. Mais pourquoi c'est aphrodisiaque? Ah, je ne sais pas, parce que ça excite les femmes. Mais non, mais c'est... Bah oui. Mais pourquoi? Ah, mais ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne suis pas physicien, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, troisième... Mais t'es chiante, hein. Attention, sinon je sors mon fouet, tu vas encore crier comme une chienne. Hein. Alors, qui a dit « La pornographie, c'est l'érotisme des autres » A. Serge Gainsbourg. B. Non. Jean-Marie Bigard. Non. C. Pierre non. Desproges. Ou D. Alain Breton. Sylvain, Adrien. Sylvain, je t'écoute. Pierre Desproges. Et non. Adrien. Adrien, je t'écoute. Réponse A, Gainsbourg, mais non. Réponse B, Adrien. Oui, mais c'est trop tard. Hein, c'était une réponse chacun. Et oui, c'était donc Alain Breton. Qui est Alain Breton? Un écrivain du... Là, d'ailleurs, on sait même pas qui c'est, lui. C'est vrai, c'est un écrivain du 18e siècle, mais on s'en fout. C'est pour ça que c'est lui, il fallait répondre à Alain Breton. Voilà, mais bon, c'est le seul pas connu. Voilà, c'est Sylvain qui a gagné. Oh, bravo Sylvain. Merci Jean-Claude. Bah, t'aurais pu trouver une question subsidiaire quand même. Vous avez répondu à une seule question sur les trois. Vous avez été mauvais. Comme d'habitude, ils ont été mauvais. Vous n'avez pas de nom. Non, j'aime bien. Vas-y doucement, merde. Non, vous avez été mauvais. Vous méritez le fouet. Oui, encore. Même pas trop quand même, attention. Bah, j'ai compris maintenant, Roux. De quoi? Qui était chiant. Ah oui. Non. Elle est chiante. Bon. Eh ben merci d'être passé. Eh bien, c'est gagné, je Sylvain. Je garde le roux. Hein. Merci, Mickaël. Merci, Jean-Claude. Je t'en prie. Bravo, et Adrien. Bravo, Adrien, bravo, tu reviens Adrien. Quand tu veux. Allez, je vous laisse tous les deux. Allez, à plus tard, les gars. Bon week-end. Salut, et puis, vous deux. Allez, des bleus quand même, parce que moi, je suis un gros fan des bleus. Donc voilà. Non, mais je joue pas ce week-end. Allez, ouais, mais je ferai un petit, parce que vous qui parlez beaucoup de foot, parce que je vous écoute tout le temps. C'est pas vrai, on parle beaucoup de foot. Ouais, ah, Sandro, on parle pas beaucoup de foot. Oh, allez, non, les bleus. Et moi, je suis un gros fan des bleus, donc Metz Le Melec, je fais pas toujours des bons trucs. J'aurais dit, allez, le, parce que moi, je supporte les bleus, et il faut y croire en 2010, on va y arriver. Quoi. Ouais, bah, c'est pas sûr, c'est encore. Allez, salut Adrien. Allez, à plus tard, les gars, bon week-end, ciao. Ciao, bye bye. Allez, on va retrouver Jean-Claude la semaine prochaine. Ah, bah, avec plaisir, hein, vous êtes toujours les 3-4 bienvenus. Minutes par semaine, c'est déjà bien. Hein. Surtout le roux, hein, c'est le roux que je préfère. En plus, vous avez vu, il a mis sa petite veste en cuir. Ah oui, il est beau aujourd'hui. Il est prêt à se faire avec les petites couleurs de la Gay Pride devant, sur le t-shirt, oui. Toutes les couleurs qui sont là réunies, c'est beau. Je suis déjà en érection. Parfait, eh ben, tant mieux. Ah, j'ai le gland tout dur. Ouais, enfin, bon, allez, passez un bon week-end. Hein. Hop là, l'affaire est pliée. Maintenant, on va donc appeler, j'avais dit avant minuit. Bon, on va le faire maintenant. Ah, tu n'as toujours pas menti, bravo, quel talent. Eh ouais, je sais, deux fois de suite, je suis assez fier de moi. On appelle maintenant Angélique pour lui filer les places pour le concert de Tokyo Hotel, concert privé de Tokyo Hotel avec énergie. Dommage, je ne pas décrocher. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Ah, ça capte pas. Allô ? Allô ? Oui ? Oh, c'est dommage, putain, Angélique, décroche pas. Bah, raccroche, hein, tant pis pour elle. Allô ? Allô ? On en appelle un autre, hein. Allô ? Faut être con pour jouer à un jeu et pas décrocher son téléphone. Ça, c'est complètement con, ça. En plus, c'est la dernière chance pour la semaine. Allô ? Angélique ! Oui ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le téléphone ? Oui ! Allô ? Oui ! Bon, Micha ! Micha ! Mais c'est une idiote, là. On en prend une autre, c'est pas grave. C'est incroyable ! Il y en a une autre. Bon, pourquoi elle décroche pas ? Pourquoi est-ce qu'elle décroche pas ? Mais je sais pas, c'est un problème de connexion. C'est un problème de téléphoniste. Ouais, non, c'est pas un problème de téléphone, je vous entends très bien. Micha ! Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle parle. Oh là là, c'est pas possible. Bon, bah tant pis, on va appeler quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Bon, allez, choisis vite quelqu'un. Ouais, je te mets quelqu'un d'autre. Allez. Voilà, on va appeler quelqu'un d'autre maintenant, je sais pas qui c'est qu'on appelle, mais on appelle. Non, s'il vous plaît. Bon, plus vite, Micha ! Oh là là ! Ça appelle. Trop long. Bon, bah tant pis pour elle, alors c'est pas grave, c'était Angélique, 23 ans du 91 qui n'a pas décroché, c'est pas grave. Allô ? Bon, allez, par contre ça téléphone pas, Micha. Hein. Non, ça ne téléphone pas, Micha. Qu'est-ce, c'est pas possible. Vous êtes mauvais. Cet animateur, si t'appuies pas sur le bouton. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, allô ? Oui, bonsoir, comment tu t'appelles ? C'est Jennifer. C'est quoi ? Jennifer. Je comprends rien. Jennifer. Jennifer ? Oui, c'est ça, Jennifer. T'as une voix de merde, hein. Allô ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Jennifer. Oui, Michel. Tu peux remercier Angélique qui n'a pas donné signe de vie. Du coup, c'est toi qui gagne, Angélique. C'est toi qui gagne, Jennifer. Je dis n'importe quoi. Ouais, ça va, Jennifer. Ouais, bah, Michel, moi, j'aime Tokyo Hotel, quand même. Ouais, bah, je m'en fous. Allez. Au revoir, Jennifer. Allô ? Oui, merci Michel. Au revoir Jennifer, ciao, bye bye. Oui, au revoir Michel, merci pour l'échange, c'est trop bien ce que t'as fait, c'est trop cool. C'est ça, allez, casse-toi, ouais. Allez, on revient dans un instant, je t'apprends la pause, bougez pas. Le son du collectif Métissé à l'instant sur Énergie, laisse-toi les baby. On se mettra un petit son US, enfin son US non en fait, c'est un son français mais en anglais. C'est une auditrice qui m'a rencardé là-dessus puisque visiblement elle connaît le groupe, on écoutera ça. Tout à l'heure c'est Céline qui m'a envoyé ça, sera Blockbusters. Et on va faire un petit tour du côté de Tournée Manège avec bien sûr Koé, musique pour roux. Ah quoi, je la dédicace maintenant à chaque fois. Oui, mais a priori on a un problème avec la musique, Charlie Oleg n'est pas prêt. Ah voilà. Tu danses, Roux ? On pourrait être collé serré, je te mettrai la main au cul. Bah, c'est pas une musique collée serrée, ça. C'est pas une musique. C'est une musique, c'est une musique romantique, Roux. Bon, allez, dans Tournée Manège aujourd'hui, trois hommes, Mourad, Claudio et Stéphane, qui vont essayer de séduire deux femmes, Christelle et Amy. Et pour commencer, Mourad a une question technique pour Amy. Alors, salut Amy, es-tu une fédilogie ? Et donc, Amy est donc américaine, et écoutez sa réponse. Alors, si elle m'invite chez elle, je refuse l'invitation. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ah, t'as pas la réponse ? Non, j'avais Mourad, là. Ah bah c'est Mourad Fidulogie. Ah oui, bah oui, autant pour moi, effectivement. Vous voyez, on a peut-être pas le son alors, c'est dommage. C'est con si on a pas sans réponse. Oui, bah oui, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on remettra la réponse tout à l'heure. C'est malheureux. Si, c'est bon, je l'ai. Ah, tu l'as ? Allez, vas-y. Pas trop souvent. Je suis un peu mal ordonnée chez moi, mais quand les gens viennent, j'essaie de faire le ménage quand même. J'espère qu'il y a des gens qui viennent souvent parce que. Mais. Amis. Quand il va y avoir une vie de couple, comment vous allez faire? Vous n'allez pas inviter des amis tous les jours pour devoir faire le ménage? Non, bah, je vais essayer au moins de ranger mes chaussettes et ne pas laisser mes culottes traîner par terre. Ah oui, non. Voilà, donc elle avait dit qu'elle... Elle est mal ordonnée. Qu'elle était mal ordonnée, effectivement. Ouais. On dirait la meuf de Hélène et les garçons. Ouais, ouais, c'est vrai. Linda Lacoste. Ouais. Ah non, Joana. Non, c'est ça, Linda Lacoste. Linda Lacoste, ouais. Et Christelle donc, voudrait savoir si Mourad est prêt à suivre un régime pour lui plaire. Il fera tout pour la séduire, mais il a une façon bizarre de faire un régime. Hein, quand on même. Y va, Mourad. Alors, si tu prends 10 kilos et que je te demande de les perdre au plus vite, comment réagis-tu? Je bouffe plus. Ah donc bon, tu fais la diète complète et donc tu fais ce que je te demande. Exact. Voilà. Et donc Koé va. Il s'avance, mais il sait même pas la gueule qu'elle a, quoi. Ouais, ça aussi, en plus. Et puis ça se trouve, c'est que du blabla, tu sais. Ouais. C'est ce que tu fais toujours. Tu fais toujours le coq quand tu dragues une fille. Et puis après, c'est beer foot et pizza, hein. Et puis l'affaire est pliée. C'est sympa de l'admettre, en tout cas. Ah non, mais c'est ce que je dis tout le temps. Il est beaucoup plus facile. Il boit pas de bière, il aime pas le foot. Et... C'est vrai. Mais il est beaucoup plus facile d'avoir une meuf que de la garder. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai, puisqu'on fait toujours le coq au début. On te le fait pas dire. Ben non, mais je le dis, hein, mais t'inquiète pas. Hein. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, Koé donc va vous poser la question qui balance. Mais avant, il veut être sûr que les deux femmes vont être sans pitié. Il va même essayer de parler en anglais. Il va falloir vraiment être sans pitié. Pas de langue de bois. Amy, langue de bois. It's a French expression to know. It's okay, I understand. Ok, c'est bon alors. Donc vous l'avez compris, c'est l'heure de passer à la question qui balance. Si votre voisine était un animal de la ferme, lequel serait-elle? Voilà. Donc si votre voisine était l'animal de la ferme, lequel serait-elle? Laquelle serait-elle? On écoute la réponse de Christelle et de Amy. Je dirais... Faut que ça balance, hein. La poule. La poule. Pourquoi? Parce qu'elle a l'apparence... C'est une poule. D'accord. Bon. Annie, si vous regardez votre copine qui vient de vous traiter de poule, si elle ressemblait à l'animal de la ferme, ce serait quoi? En fait, la première réponse qui m'est venue dans la tête, c'était une âne. Une âne, un âne. Oula, d'accord. Voilà. Donc, Rose, si ton voisin était un animal de la ferme, attention, la dernière fois, on avait fait si t'étais un animal. Là, c'est de la ferme. Un âne, c'est très bien. Un âne pour moi, donc. Pour Toff. Ah, pour vous. Pour Toff, pardon. Je ne me permettrai pas, pourquoi? Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Toff, pour Sandro? Pour Sandro, une lapine. Une lapine. Oh, c'est mignon ça. Ouais. Bah écoute, moi j'aurais dit un hérisson, mais non, le bébé hérisson. Oh là là. Mais c'est pas à la ferme, les hérissons. Si vous vous écoutez, que vous avez jamais vu un bébé. Si vous vous écoutez, oui, moi-même, je m'écoute. Si vous écoutez et que vous avez jamais vu un bébé hérisson, allez voir, il y a des vidéos, des photos. C'est laid. Mais c'est trop mignon. C'est laid. J'avais jamais vu, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Ouais. C'est trop mignon. Oh là là, tu sais quoi, hein. On va mettre la vidéo, je l'avais mis sur mon Facebook, mais je vais la mettre sur mon blog. Vous allez voir, c'est trop mignon. Toff, tu peux le faire, s'il te plaît? Tu m'envoies la vidéo. D'accord. Très bien. Donc, ça pour un hérisson. Là, il serait bienvenu que tu dises que je ressemble à un bébé hérisson, par exemple. Voilà, Sandro, oui, pour Jack. Jack, voilà. Mais c'est pas un animal de la ferme. Oui, ça va, effectivement. Alors, je dirais le coq. Ah, le coq. Moi, je dirais la noiraude, la vache. Pour Micha. Ah, bien joué. Micha pour moi. Très délicat. Le renard qui s'incruste dans la ferme. C'est pour venir croquer les brebis. Il est malin. Comme il avait pas l'animal de la ferme, il a dit qu'il y en avait un qui s'incrustait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça marche pas. Si, le renard, ça marche. Il est passé à côté du porc, par contre. Hein. Le renard fait le porc avant tout, Mickaël. Et pour le roux, effectivement, je dirais porc. Ouais. Merci. Un cochon. Le porc, c'est pas bleu, donc il y a un cochon. Mike et Micha. Mm-hmm. Heureusement, il n'entend pas. C'est pas grave, très bien, tout va bien. Moi je vais revenir sur ma décision et c'est toi là en fait. C'est trop tard, c'est dans le mauvais sens, c'est dommage Roux. Bon allez, encore une petite info au niveau de tourner manège. Donc Christelle qui a du mal à dire un mot, hein, comme moi d'ailleurs. Écoutez, ça fait bizarre pour une femme de son âge. Alors au moment de hum hum. C'est marrant vous, c'est toujours au moment de hum hum. Pendant le hum hum. Hum hum. Toff, c'est quoi le mot que Christelle a honte de dire? Baiser, niquer, pendant le... Ah non, pendant le... Le coït. Rapport dans ton cul. Oh. Oh, quelle horreur. Le rapport dans ton cul. Ouais. Avec Coït, c'était beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Mais ça manque d'un truc quand même. Coït tout seul, c'est pas bien. Ah oui. Vas-y, je cherche. Ouais. Bah, y a vaginal ou anal, après, faut choisir. Mais t'as déjà dit dans ton cul, varie un peu, arrête. Ah bah, vaginal alors. Bon. C'est tout ? Oui, sinon très je peux bien. Encore dire des mots non, dégueulasses. Ça ira. Allez, Christelle va refuser de repartir avec Claudio. Il est triste, mais bon, c'est un jeu et on ne gagne pas toujours, malheureusement. C'est triste, mais ça arrive. Oui, mais c'est pas grave. Bon, c'est dommage là, putain, on est dans la musique, dans le speed de la musique. Ah ouais, là c'est le meilleur moment. Avec la trompette et tout, on est. C'est beau. Ah ouais, je sais, c'est dommage. Bon, allez, on va faire vite un petit tour du côté avant de partir et avant d'écouter le son dont je vous parle depuis tout à l'heure là. Pablo, t'es prêt ou pas? Oui. On est prêt? Mais bien sûr. Parfait. Toujours. Doc Gynéco qui était donc dans Ney. Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure à parler? Mais il parle et il rigole avec Pedro. Mais les sons, ça rigole. Les sons sont là, oui. Bon, alors vas-y, fais l'animateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, mais je me rappelle plus les sons. T'as la chance de ta vie d'être animateur. Attends, Pablo, tu l'as regardé au moins l'émission? Attends, oui, bien sûr que je l'ai regardé. Bon, allez, fais l'animateur. Bon, Pablo, attends. C'est à ton tour. C'est le Pablo Show. Non, attends, deux secondes. Donc voilà. Alors, dites-nous. Mais bonjour. T'as remarqué que l'animateur, il parlait dans un micro déjà ou pas? Mais je suis de. On m'entend là? Oui, là, ça va mieux. Ouais. Écoute, si tu t'entends dans ton casque, c'est bon. Hein. Check one, two. Alors, on y va. Donc, pour lire, il enlève les lunettes. Au cas où, on sait jamais que je vois trop bien. C'est la pression, dis-moi. Allez. Alors, donc. Doc Gynéco est à côté du bus. La première femme qui s'appelle Jordana. On parle de quoi? De Next, l'émission Next. En fait, c'était une soirée spéciale People. D'accord. Voilà. Et donc, la première femme qui s'appelle Jordana descend et comment lui demande. Jordana, en fait. Quoi. C'est sympa, ça. Hein. Parce qu'en fait, Pablo est en kiff sur une fille qui s'appelle Jordana. Je ne vois pas. Par hasard, elle s'appelle Jordana. Ah non, il est plus en kiff sur elle depuis qu'il sait qu'elle est maquée. Oui, elle est maquée. Mais non, pas du tout. Tu crois que ça l'empêche de spignoler chez lui, ça? Oh non, ça c'est dégueulasse. Pas vendredi soir. Surtout vendredi soir. D'ailleurs, je ne devrais pas parler. En tu théorie, utilises l'électricité. Bien, bravo. Bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé dans Next? Bon, voilà, elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et voilà ce qu'il a répondu. Enchanté. Moi de même. Donc, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Auteur, compositeur. D'accord. Interprète. D'accord. Et obsédé sexuel. Attention. Obsédé par tout l'artistique, la culture et tout ça. Voilà. L'artistique, la culture et tout ça. On voit bien qu'il s'en branle tout ça. C'est ça. Bon, alors à la suite, Pablo. La suite, il lui demande, de quel signe elle est. Et t'es quel signe? Taureau. T'es taureau? Ça tombe bien, je suis toréador. Alors next, je vais voir l'autre. C'est pas grave, parce que sinon, vous m'intéressez pas. Oh, mais je t'aime, ma chérie, reviens, je change, on peut pas te dénexter. Et elle était comment, elle? Elle était moche. Elle avait un accent, c'était une russe, mais elle était pas terrible. C'est marrant parce qu'il était aussi chaud que quand il était venu chez nous. Hein. Ouais. Enfin, quand on l'avait eu par téléphone. Bon, la suite, Pablo. La suite, c'est une deuxième fille qui arrive. Et donc, pour lui dire bonjour, il lui touche les seins. Ah. Voilà. Il y a des tétons, là, maintenant. Bah, après, si. Bah, elles sont comment, les autres? Je suis la plus chaudasse, quoi. Ah ouais. Celle qui kiffe le plus la musique. Tu sais comment on te surnomme? Crash pétasse. Non. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est de la patomique. Oui. Et moi, tu sais comment on m'appelle? Dis-moi. Calimero. Quoi, t'arrêtes pas de cornicher? Oui. Pourquoi? J'en trouve pas mieux des trash pétasses. Des trash pétasses. Voilà. Des trash pétasses. Des trash pétasses. C'est elle qui se fait appeler comme ça. C'est son surnom à elle parce que c'est une poufiasse. D'accord. Elle s'habille comme une poufiasse. Enfin voilà. Bon, et c'est tout? Non. Ah, bon. Mais laisse-moi finir, merde. Vas-y. Bon, et elle lui demande. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Qu'est-ce qu'elle lui demande à votre avis? Je sais pas, une saucisse. Non, non. Elle lui demande comment il trouve son inspiration. Comment tu composes alors, toi, explique-moi. Bah, tu te mets comme ça, un peu de dos, tu t'allonges, et puis je prends ma feuille. Ouais, ton inspiration, elle est sur ton dos. Ouais, et t'écris. Voilà. Très bien. Et il en reste, mais on fera le reste lundi. teasing. Ouais. Lundi. C'est ça. Teasing pourri en bientôt. Tout cas. Merci Pablo. Je t'en prie. Tu reviendras refaire des cours de rattrapage. Non, je ne reviendrai plus. Vaut mieux, effectivement. Ouais. Bon, allez, dans un instant, The Pierlo Show, le dernier de la semaine. Et puis, on va se faire le son maintenant. Le son que Céline m'avait envoyé, c'est des Français qui chantent. Et. À vous de nous dire, vous aimez, vous n'aimez pas. 612, débutez le message par M-I-K-L. Le titre, le nom du groupe, c'est Blockbuster. Et le titre de la chanson, c'est What a Life. Voilà le son de Blockbuster à l'instant avec What a Life sur NRJ. Vous avez été... Ah, parce que là, il y a la deuxième place qui est en train de partir. Hop là, la suite un autre jour. Qu'est-ce que je disais? Ouais, un message qui est arrivé, c'est Flavio qui dit « Perso, j'aime pas du tout, je trouve ça horrible. » Bon, mais t'es rude, hein. Gros bisous à Michou, c'est Adrienne, la laveuse de voiture des Blockbuster. Écoute, à l'occasion, hein, si t'es pas loin de la radio, n'hésite pas, la mienne est bien sale aussi, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Super, quand est-ce que tu passes du Rasmus? Bah, à l'occasion, pourquoi pas. Trop bon le son, passez-nous plus de Blockbuster, c'est Léa du Mans. La chanson est cool, mais le chanteur a un fort accent Frenchy. Ça va, je trouve pas, moi, qu'il a encore un accent trop Frenchy. C'est trop bien, c'est du bon son, c'est Maca qui avait envoyé le message. Bon, ben voilà, vous pouvez réécouter le morceau si vous voulez sur amical.fm. Vous allez tout simplement sur le site, évidemment. Vous cliquez sur les sons et puis vous allez dans les sons US. Mesdames et messieurs, il est l'heure, il est temps, c'est le moment, c'est l'instant d'accueillir. On y va. The P.O.L.O. Show. Non, salut, c'est Christophe Maé, je suis dans le Polo Show. Ça va ou quoi? C'est quoi ça? Faites pas passer pour un con parce que je raconte tout ce que je vois. Ouais. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Heureusement que c'est le dernier jour de la semaine, on va pouvoir se reposer. Demain, dormir toute la journée. On va commencer ce Polo Show avec un premier auditeur, j'écoute. Allô? Oui, bon. Allô? Ouais. Oui, bonjour, c'est Loïc. Quoi? Bonjour. Bonjour. Oh là là là là, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de lire quoi? T'as un bouquin, t'es en train de lire un texte, c'est ça? Mais non, c'est... Eh ben alors mène-toi au lieu de faire ton idiot là. Bon, tu vas ou je te raccroche directement au nez, comme ça on n'en parle plus, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que je peux pas parler fort parce qu'il y en a qui... Eh ben parle doucement. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton prénom? Louis. Louis, tu fais quoi exactement là? T'es où? T'es dans une boîte, c'est ça? Non, non, non. Mais non, c'est même pas ça. Quoi? C'est quoi cet idiot là, Michel? Ça va, Louis? T'es sorti de ta boîte? Oh là là, bah allez, bon, ouais, un peu de pub et on se retrouve juste après. J'ai la sensation que le gouvernement nous prend un peu pour des cons, non? Ah, t'as une voix de con. J'ai surtout la sensation qu'on va pas réussir à s'en sortir, là. Ah, moi, j'ai la sensation que tout le monde s'en branle. J'ai surtout la sensation qu'on est bien dans la merde. Moi j'ai la sensation qu'on va tous crever. Vous avez pas plus long. Les produits laitiers, des sensations dures. Yo, what's up, Recover Starship, and you are listening to the Polo Show. De retour dans le Polo Show, j'ai raccroché au nez de cet idiot qui était dans une boîte. Enfin Louis, si tu veux, rappelle-moi un de ces quatre quand tu seras en mesure de me parler. Qui est là? Ouais, mon polo. Oh là là là, c'est des idiots qui savent pas servir d'un téléphone. Ouais, mon polo. Allô? Allô? Oui? Ça va, mon polo? Ça va? Ça va, c'est JP? Oui? Ouais, dis-moi, j'ai un petit problème sur le Jack 12, là. Ouais? Bah, j'aimerais bien que tu m'aides, là, parce que si je suis sur le 3738, oui, là. Hein, et que je suis sur le fil conducteur, sur le 1 rouge. Bon, qu'est-ce que je peux en faire de ça? JP? Ouais. Démerde-toi, en fait, j'en ai rien à foutre. Bah, attends, tu peux de pas ton me dire JP, ça, j'ai mon Jack 12 en Jack 12, ouais, bah, c'est parfait, bah, garde-le comme ça. Bah attends, pourquoi tu me vires comme ça? Bon, on va faire comme ça. Mais non, on fait pas comme ça, tu m'as pas donné de solution, bah, mon pote. On va faire comme ça. Appelle les syndicalistes, moi. Oui, appelle les syndicalistes. Ah, bah je vais les appeler, bah très bien. Donne-moi ton téléphone, j'ai plus de forfait, moi. Casse-toi. Qui est là? Polo? Eh, écoute. Ouais, je t'écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Polo, bonjour, monsieur. Bon, ouais, qu'est-ce que tu veux, eh? Monsieur. Quoi? Monsieur. Eh, je vais te raccrocher au nez, c'est pas toi qui décide, c'est moi le taulier ici, d'accord? Eh ben, je vais dire, Mind-toi. J'aime pas, déjà, j'aime pas ta gueule, parce que j'ai vu ta photo. Parce que monsieur m'envoie des photos de lui nu. Si, c'est vrai, t'as envoyé une photo de toi nu. Ne nie pas. Bah ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux, eh? Bon, monsieur, est-ce que tu vas là? Monsieur, est, qu'est-ce que tu veux? Allez, mine-toi. Alors, sois gentil pour le moment. Non, mais je suis pas là pour être gentil. Déjà, ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, tu me laisses pas le temps de dire. Bah si, je sais de ça. Attends, deux secondes. Qui est là? Allô, dis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors voilà, en fait, c'est Raphaël Van Zeebroek. Yeah. Oui, alors voilà. En fait, je t'appelle parce que j'ai entendu que vous faisiez le plus belge la vie, hein, que c'était que vous présentiez des films belges et des reportages belges et des séries belges. Ouais. Alors voilà, moi, je suis un petit acteur belge. Et en fait, je cherche un petit peu à percer dans le cinéma ou peut-être le théâtre ou enfin l'acting, quoi. Ouais. Voilà, donc en fait j'ai répété une petite pièce de théâtre, hein, c'est Knock, je sais pas si tu connais. Si, je connais Knock, hein, je connais. Et donc en fait, donc, bon, comme je suis tout seul et que personne veut jouer avec moi. Knock de Jules Romain. Oui, voilà. Voilà, culture. Et donc en fait je fais tous les personnages, bon, moi-même. Ouais, bah vite alors, pas 3 heures, je vais pas. Donc ça en fait c'est la scène 2 de l'acte 2. Hein, vas-y. Hein, donc c'est quand Knock rencontre le tambour. Ouais. D'accord. Tu es prêt? Vas-y, vite. Alors vas-y. C'est vous le tambour de la ville? Ben oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Rendez-moi oui docteur ou non docteur. Oui docteur. Quels sont vos tarifs? 3 francs le petit trou et 5 francs le grand trou. Hein, ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. Hein. D'ailleurs, je conseille à monsieur. Tu peux, au docteur, tu peux. Ouais, ça c'est bon. C'est bon. En fait, t'es mauvais. Bah, enfin non, tu peux pas me dire ça. En fait, t'as raison, je peux pas dire que t'es mauvais, tu es à chier. Voilà, attends, Paulo. Tu es une catastrophe pour le théâtre. Non mais tu vas rien faire du tout. Si, je vais te faire le meilleur passage, parce que c'est quand même là que ça devient bien. Hein. Bon, vas-y. Regarde, donc c'est quand le tambour, il parle avec Knock et il dit « Attendez que je réfléchisse. Voilà, quand j'ai dîné, il y a des fois que je me sens une espèce de démangeaison ici. » Ça me chatouille. Ou ça te gratouille. Quand ça me gratouille. Est-ce que vous... Attention, ne confondez pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille bien un peu aussi. Comment? Ah oui, c'est mieux, hein, mais c'est encore plus pourri que le début de ce que tu m'as fait, tu sais. Mais ça. Oui, mais c'est parce que ça, je suis obligé de faire les deux. Hein. Peut-être non, que mais... si tu me donnais la réplique, ça irait mieux. Non, je te donnerai pas la réplique. Mais si, peut-être. Allez, casse-toi, retourne dans ton pays, là, en Belgique, et puis arrête de nous faire chier. T'as qu'à faire du théâtre là-bas? C'est bien là-bas. Oui, je fais déjà, moi je fais, ça fait plusieurs fois. Eh ben déjà parfait, fait, eh ben c'est parfait. Allez, casse-toi. Seul, hein. Bon, allez, casse-toi. Hop, je raccroche un peu au lit histoire de lui. Ah, qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Hervé, Ligue d'improvisation bruxelloise. J'appelle pour me faire réimproviser. Bah, improvise alors. Alors, vas-y, tu me dis des mots et j'improvise. Allez, frites. Oh non, pas le. Bon, alors, miel. Miel? Ouais. Tu me racontes une histoire, j'ai déjà joué dans le miel et les abeilles. Je faisais l'abeille. Vas-y. Hein? Vas-y, enchaîne, oh là là. Oui, mais si tu parles. Mais non, mais c'est toi. Tu es dans la tirade et tu ouvres ta tournée. Non, tu n'es pas dans la tirade, tu me racontes ta vie. Mais non, j'improvise. Oh. Eh ben, improvise. Là, donc, voyons le miel pour les champs, visant ben bon le jambon. Qu'est-ce que fais-je? J'y aille. Pourquoi me parles-tu? À ce moment-là, c'est quoi ton prénom? J'ai bien remarqué que tu ne m'as pas dit, tu m'as dit miel, mais j'ai improvisé avec aïe. Hervé? Là, avec l'aïe. Hervé? Oui. Pourquoi tu fais pas un autre... Alors, je travaille, pourquoi tu fais pas un autre métier que ce que tu fais là, du théâtre ou de la comédie, je sais pas quoi, de l'improvisation? Mais tu sais, un jour. Tu serais bon boucher, tu serais un bon boucher. Comment tu sais? Quoi? C'est un boucher qui m'a dit que tu serais parfait pour ce métier. Va falloir changer, Hervé. De boucher? De métier. Oui, tu as raison, ta viande n'est pas terrible. Elle manque de miel. Ah là là, que suis-je bon? Victoire. Hervé. Victoire, dis-je. Victoire. J'étais là, je l'ai vu. Je l'ai Hervé. Pas vaincu, mais je Hervé, suis venu. Hervé, oui. On va y aller. Oui, ouais. En fait, l'émission va se terminer. Garde pas. patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Hervé ? Oui. Tu dis au revoir en improvisant ? Oui, bien sûr. Tout Allez. Ça n'est qu'une question de moquette. Mais que dis-je ? La fenêtre est venue à moi. Je l'ai à la fois éteinte et à la fois ouverte. Pourquoi ? Parce que mon nom, c'est Cyrano. Cyrano d'où ? Cyrano de Bergerac. C'est pas fait. Allez, casse-toi. Et pour terminer, Monsieur Hay, qui va conclure cette émission comme il se doit. Polo. Oui, eh. Eh ben, voilà, je voudrais te dire ce qui m'arrive. Vas-y, je t'écoute. Eh ben, je crois que je vais avoir une relation sexuelle. Avec la porte ? Non. C'est avec qui que tu vas avoir cette relation sexuelle ? Eh ben, Polo, dis-toi avec une fille. Oui, j'espère pour toi. Oh, eh ben, oui, ben, enfin bon, tout, je sais pas ce qui t'arrive. Ouais. Polo. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu passes 24 heures sur 24 avec moi pour savoir si j'ai des relations sexuelles ou pas ? Ah bah, tu peux pas en avoir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Bah Polo, il suffit de te regarder, pas tu me diras. T'as vu ta gueule, toi, avec tes cheveux longs, là ? J'ai vu ta photo pourrie, là, hein, que tu m'envoies sur Facebook. Allez, Polo ! Faut conclure, maintenant. Bah ouais, bah j'ai failli avoir une relation sexuelle. Bon, oui, bah c'est bien. Je suis content, bravo. Et puis, bah, tu sais, elle était sur moi. Ouais. Et puis, j'ai failli la baiser. Et puis, elle m'a demandé un café. Oh là là. Je me suis levée. Ouais. Et bah, j'avais oublié que t'avais tout bu. Bon, monsieur, on va y aller. Polo. C'était génial cette histoire. Je vais la retranscrire, je vais faire un livre avec ça. Ça mettra dans les chiottes. Est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui ferme sa gueule ? Ah. Polo. S'il vous plaît. D'accord. On va y aller. Ça Polo. Pousse, tout le monde pousse, la pub pousse. Tu lui as pas dit. Et j'ai jamais mis mon sac en plus. Roux me demande que tu fermes ta gueule. Non, ce n'est pas Roux, je suis une personne du public. Ah, d'accord. Il y a le public qui est là dans le coin parce qu'il y a un gros public et il me demande de fermer ta gueule. Voilà. Polo. Oui, monsieur. Dis-lui qu'il ferait mieux réfléchir à deux fois avant de me dire ça. Ouais, hey, ok, allez, casse-toi. Polo, ça s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Et on se retrouve normalement, si tout se passe bien, lundi avec monsieur, avec Dupé, avec le roi, avec le public, avec tout le monde. Et n'oubliez pas. Oh merde, Roux, t'auras pas ta boîte. Attends, c'est important. Dimanche, le best-of. Exactement. 21h avec Pedro. Là, tu n'auras vraiment pas ta boîte. Merci, Roux, pour ce cadeau. Voilà. Allez, on se retrouve effectivement lundi à partir de 21h. Figure, tu vas faire par me devoir une boîte. On se retrouve lundi à partir de 21h. Le best-of, effectivement, dimanche. Lundi avec PES 2010. Avec le jeu avec lequel le Roux ne jouera pas. Et avec les places aussi pour rencontrer Tokyo Hotel le 28 octobre. Et en attendant, on se quitte avec un son que je vous avais fait découvrir. Un son belge. Bruxellois, c'est la semaine spéciale. C'est génial. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Starflame, c'est Stromae. Vous allez l'entendre très très souvent sur Énergie prochainement. Alors on danse. Allez.